Salut tout le monde, c'est Sai, bienvenue à la 72e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et on se retrouve avec grand plaisir pour la dernière émission de l'année 2021 autour d'un VR avec une émission exceptionnelle parce que nous allons faire les VR for Player Awards. En exclusivité mondiale, une émission, je pense, qui va nous être enviée internationalement, hein, faut pas se le cacher. Un petit peu partout sur le net, c'est la fin de l'année, donc forcément, il y a des vidéos de top 10, mon top 10, mon avis, mon bilan sur cette année 2021 sur le PSVR, qui commence un petit peu à fleurir à droite à gauche. Mais comme dit le grand philosophe, ben, les avis, c'est un petit peu comme le trou de balle, tout le monde en a un. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de vous demander de nous donner le vôtre, d'avis, hein, pas de... voilà, commencez pas. Et donc c'est pour ça qu'on va faire cette émission. Et évidemment, on va aussi vous donner nos avis sur cette année 2021 qui vient de se passer. Une année un petit peu en dents de scie, une année un petit peu compliquée, mais bon, on va faire le bilan, de toute façon, on va voir ça ensemble entre potes. Et c'est pour ça que j'accueille sur Majo. Salut Majo, comment vas-tu? Bonsoir. Mais au top. Au top. Voilà. Ça sera le mot de la soirée, le top. Le top, exactement. On va faire une mission au top. Est-ce que tu vas nous le donner ou pas? Ton avis? Oui, maintenant, comme ça l'émission est terminée. Non, pas tout de suite, on va garder, on va teaser un petit peu. Et ensuite, nous avons Laurent. Salut Lolo. Salut tout le monde. Ça va bien? Alors? Oui, ça va. On enregistre l'émission le 22 décembre. J'ai eu le malheur d'aller faire les courses pour les fêtes de Noël. C'était l'horreur. Donc voilà. Mais t'as dû passer un bon moment, je pense. Un très très bon moment. C'était la cata. J'ai cru que j'allais jamais arriver. J'ai cru que j'allais être à la bourre à l'émission. C'était la totale. C'est le bordel total. C'est parfait. Est-ce que t'as fait des batailles de foie gras ou pas? Non. Non. Pas de bataille de foie gras, bataille pour passer en caisse devant les autres avec les caddies, tellement il y avait du monde de partout. Mais non, pas de bataille de foie gras. Bon, ça va, t'as quand même cassé quelques bouches de vieilles et ça fait toujours plaisir. Voilà. Très bien. Voilà, quelques petits coups de genoux bien placés. Parfait. Donc voilà, émission exceptionnelle aussi, on va faire un petit peu... Bah, déjà, on est content de passer les fêtes avec vous, faire le bilan de cette fin d'année, et puis avoir la chance aussi de pouvoir vous offrir pas mal de choses ce soir pour vous remercier de nous avoir suivis et soutenus tout au long de l'année. Donc on vous remercie, vous, évidemment les auditeurs, ceux qui nous ont laissé des messages, qui nous font plaisir, super plaisir, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur le site, que ce soit partout en fait, ou en message personnel. Encore une fois, je le répète, hein, c'est ce qui nous fait tenir et ce qui nous motive pour continuer l'émission, donc changez rien, c'est parfait. Donc l'émission que vous pouvez retrouver en version audio sur toutes les bonnes applications de podcast, PodCloud, Spotify, Deezer, iTunes, Podcast Addict, et que vous pouvez aussi retrouver sur VRAC, notre chaîne VRAC secondaire, en version vidéo, pour voir qu'on a vraiment mis les moyens dans cette émission, hein. Je veux dire, comme dit le poète, on est sapé comme jamais là, un éclairage assez dégueulasse, un son toujours aussi approximatif, mais en tout cas le plaisir d'être là, et puis de pouvoir partager un petit peu notre passion avec vous. C'est la base. C'est la base. Donc voilà, il y aura un tirage au sort, du coup, qui se fera un petit peu tout au long de l'émission pour remercier ceux qui ont voté pour leur jeu PSVR de l'année, qui comprendra uniquement les jeux qui sont sortis en 2021. Donc Majo, No Man's Sky, ça va être compliqué de le caser, là, je pense. Désolé. Il est toujours plaçable. Il y a des mises à jour régulières sur No Man's Sky. Ah, bah, chaque mise à jour est une nouvelle version du jeu. Ah ouais, donc voilà, ça va être tout cheaté en fait comme truc. Voilà, donc ça va être contrôlé bien évidemment parce que nous sommes des professionnels par Maître Yoda, huissier de justice à Dagobah. Donc voilà, ça va être pas mal. Et ben on va commencer tout simplement. Par quoi est-ce qu'on va commencer? Est-ce qu'on commence par les news comme d'habitude, Monsieur Lolo? Ah ben ça va être vite vu, news depuis la dernière émission, ben y a rien. Alors, c'est juste... Non, il y a rien, c'est un sujet à part entière. Oui. J'allais dire, si on peut revenir, il y en a une que on n'avait pas trop traitée il y a 15 jours, c'était l'écran micro-display, pardon, 8K de qu'avait lancé Sony là, via sa chaîne. Donc si tu veux nous en parler un peu, celle-là, elle sera intéressante à développer. Alors attends, parce qu'il faut que je me remémore le truc. Donc, c'est Sony qui avait... en plus, oui, c'est rigolo, parce que c'était les ingénieurs de Sony qui ont fait une vidéo pour présenter une nouvelle technologie. Donc en apparence, c'est un écran 8K, donc 2 x 4K. Apparemment, c'est deux écrans même. Donc on peut bien dire 4K par œil, parce qu'en général, ça me fait rire, parce que bien souvent, on dit 2K par œil, alors que c'est qu'un seul écran. Donc là, ça précise vraiment, c'est deux écrans. La particularité, si je me souviens bien, c'est que ce sont des écrans micro-display, donc c'est les écrans qui sont comparables, ce qu'on retrouve dans les viseurs d'appareils photo. Donc c'est des écrans qui ont une définition qui est très, très, très, très, très, très, très haute. Une résolution très très haute, ce qui veut dire que je crois qu'ils étaient en 4K, donc 4000 pixels par pouce. Donc ça fait des écrans qui doivent faire 3-4 cm. Par contre, ils ont une résolution 4K dans 4 cm en fait. Donc c'est des écrans qui coûtent très cher. Quand c'est sorti, il y a eu pas mal de monde qui a commencé à s'emballer en disant que ça y est, on a les écrans du PSVR 2 ou des choses comme ça. En tout cas, il y avait des personnes sur la toile qui commençaient à aller dans ce sens. Donc nous, on a fait un article tout de suite, on a bien précisé que c'est vraiment du prototypage, c'est vraiment un appareil qui ce ne sera pas le PSVR 2, il ne faut pas se mentir, parce que du micro-display, ça coûte cher. Par contre, on sait déjà que le futur casque d'Apple apparemment serait en micro-display, et ce n'est pas le premier casque en micro-display qui sort, parce qu'il y en a déjà eu un. Donc c'est une technologie qui va arriver, ça de toute façon on sait que peut-être pas le Quest 3, mais en tout cas sur du haut de gamme à 700-800 balles, c'est possible qu'on le voit débouler assez rapidement. En tout cas pour le PSVR 2, on oublie tout de suite. Ensuite, qu'est-ce qu'il avait de bien ce casque? C'était les lentilles aussi, qui devaient être différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, vu la profondeur. Donc c'est une minette en fait qui le tient, c'est pas un casque qui tient par... C'est la minette qui le tient par deux poignées. Mais quand on la voit de côté, on voit que le casque, il est large, il est vraiment très très... Très fin. Miniaturisé en fait. Donc c'est petit, ça va coûter une blinde, et c'est vraiment on va dire l'avenir de la VR. On va aller dans ce sens. Après niveau vraiment en parlant de résolution du truc, c'est 4K par œil. On ne discerne même plus à ces niveaux-là, on ne discerne plus le pixel. Donc on ne parle plus d'effet de grille, on parle plus de... Donc c'est vraiment des trucs de malade, quoi. Après, par contre, c'est là où on comprend tout de suite la logique du truc, quand les mecs ils disent ça va être le truc du PSVR 2. Même une PS5, et j'irais même plus loin, même un PC, même les PC les plus puissants qu'il y a en ce moment, sont pas capables de ça faire fait tourner 8K à 120 FPS. Non, clairement. À 120 FPS. Donc c'est vraiment quelque chose sur des machines qui vont arriver, mais qui sont pas encore là, quoi. Dans 10 ans, c'est vraiment, en gros. C'est ça, moi je dirais 6, 7 ans, 8 ans, mais il manque encore un peu de patate. Donc sur console, il ne faut pas y compter. 8 ans pour des tarifs abordables, quoi. Oui, voilà. Ouais, c'est clair. C'est intéressant, par contre, ce qui est bien avec ce truc-là, c'est que ça montre que Sony, il continue à plancher dessus. D'ailleurs, on a pas mal rigolé, parce que les personnes qui présentaient dans la vidéo, on voit tout de suite que c'est pas des présentateurs à l'aise avec une caméra. C'est ce qu'on disait il y a deux semaines. Ils savent pas quoi faire. voilà. C'est compliqué. Ils sont complètement empotés, coincés comme ça devant la caméra. Stressés. Ils savent pas trop quoi dire. Après, ça rajoute une part de crédibilité, d'authenticité. Voilà, c'est quelque chose de... C'est sympa, ça nous a donné une cacahuète à manger en attendant le PSVR 2, mais voilà. Il y a autre chose qui est intéressant, c'est justement, on le voit bien sur le casque quand on regarde la vidéo. Donc la nénette est sur un fond vert et on voit qu'elle tient son casque comme ça. Et donc on voit qu'il y a deux fils HDMI qui partent du casque par le haut comme ça, et deux USB-C qui partent par en bas. Donc ça veut dire qu'il y a deux cartes graphiques, une carte graphique pour chaque œil. Donc c'est pour ça, les mecs, quand ils sont partis sur les délires avec la PS5, j'ai dit, hop, hop, hop, qu'est-ce qu'ils racontent ? Non, faut se calmer. Voilà, c'est tout. Ouais. Faut bien se calmer. Ok, d'accord. Bon, bah, en tout cas, c'est quand même assez prometteur. Et puis, c'est toujours bien de voir un petit peu ce qui va être fait quand même dans les années à venir. De se tenir au courant. Faut pas non plus s'emballer, quoi. Faut pas partir dans tous les sens. Et à savoir garder. Savoir garder. Voilà, raison gardée. Sony planche sur des trucs. Donc maintenant, il faudrait qu'ils en sortent au moins un. Et puis voilà. Faudrait qu'ils sortent des trucs. Après, ils auront le temps de plancher sur le reste. Ouais. Voilà. D'ailleurs, pour cette émission, on voulait avoir un invité exceptionnel pour qu'il puisse annoncer ce qu'il avait annoncé il y a quelques mois déjà. Jim Ryan, qui nous avait promis de donner des informations sur le PSVR 2 cette année. Il reste 9 jours. Voilà. Il reste 9 jours. Malheureusement, il n'a pas pu venir ce soir. Il nous a répondu, il nous a mis. Il a bien rigolé. Voilà, il nous a mis Go fuck yourself. Voilà, donc à mon avis, il ne faut pas trop. Il lui reste 9 jours, 1 heure, 29 minutes et 59 secondes exactement. Voilà, on lui a dit Jimmy, c'est chaud. Là, Jimmy, c'est chaud pour toi. Voilà, il faut tenir tes engagements, mais bon, on commence à plus trop y croire. On verra, hein. Peut-être qu'on aura tort. Par contre, à ce sujet, si on pouvait lancer un message perso à Jimmy, ce serait qu'on a fait quand même un petit sondage il y a quelques temps, hein, parce qu'on avait fait un petit article sur MOS 2 il y a 18 jours en tout. Et on avait fait un sondage justement pour demander aux utilisateurs de PSVR restants qui viennent encore un petit peu voir sur internet, sur la toile, comment ils perçoivent l'arrivée de MOS 2. Est-ce qu'ils vont s'y jeter dessus avec leur PSVR et leur PS4 day one et tout ça? Ouais. Donc en fait, ils vont l'acheter pour y jouer sur la PS4 et le PSVR. Ils ont été 33,33% à répondre ça. Par contre, à peu près 60% ont dit qu'ils ne l'achèteraient pas sur PS4 et qu'ils attendaient la version PS5 et PSVR 2. Donc déjà, 60% des personnes qui répondent sur notre sondage, pourtant MOS 2, c'est quand même pas le petit jeu, c'est quand même un jeu qui a énormément marché sur PSVR. Donc ça montre bien que même avec un jeu comme MOS, on n'arrive plus à récupérer la hype du PSVR, que le PSVR, de toute façon, il est introuvable en boutique. Là, maintenant, si vous essayez de le chercher sur des trucs comme Amazon ou des machins comme ça, vous allez le payer 900 balles, sans parler des PS Move, qui sont introuvables également. Et ça, dans tous les pays d'Europe, parce que si vous allez sur Reddit, vous apercevez qu'en Angleterre, aux Pays-Bas, tout ça, c'est pareil, c'est en rupture totale de partout. Donc, en fait, il n'y aura plus de nouvelles personnes qui arriveront dans la communauté PSVR, sauf ceux qui vont arriver par des versions soit d'occasion, soit des versions à 900 balles, ce qui est complètement improbable. Les gens qui restent, qui ont encore un PSVR, sans parler ceux qui ont des soucis, parce que sur Reddit, tous les jours, il y a énormément de gens qui se retrouvent avec le problème de l'écran noir sur le PSVR, des composants qui grillent, des boîtiers qui grillent, des courts-circuits, des fils qui se dénudent, et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont leur PSVR qui ne marche plus. Sur ceux qui restent, on s'aperçoit que 60% attendent la MOS sur le PSVR 2. Donc on peut se demander, à la place d'un studio comme Polyarc, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête de lancer un MOS 2 sur PSVR. La réponse, elle est toute simple, hein. On le sait tous, c'est qu'il y a clairement le PSVR 2 qui est vraiment proche. On l'attendait pour le mois de décembre. Apparemment, là, c'est mal barré pour l'avoir, mais bon, on sait jamais. En tout cas, on attend quelque chose, au moins une annonce. Et si on se met à la place des studios, qui c'est quand même un investissement en hommes et en temps et en argent, les types, ils vont pas balancer un jeu comme MOS 2 sur un casque qui est mort, avec une communauté qui est morte, et surtout aucun renouvellement de matériel et pas de nouveaux joueurs non plus. Donc il arrive. Mais pourtant, ça a l'air. Hein, MOS 2 exclu, et puis tu parles de MOS 2, mais il y en a un autre qui va pas tarder, c'est Wanderer. Oui, Wanderer, ils ont communiqué clairement. Ils ont dit qu'ils seraient sur le PSVR 2. Le souci, c'est quand est-ce qu'il va arriver, parce qu'imaginez le truc qui déboule en 2023, on tiendra pas une année de plus, c'est pas possible. Ça, c'est clair et net. Ouais. Bon, ça, on le dit tous les ans. Non, mais par contre, il y a maintenant le problème de réapprovisionnement du matériel aussi qui se posait pas l'année dernière. Ouais. Bah si, t'avais aussi le problème des moves qui a toujours été un peu récurrent quand même. Donc, non, mais le stock, il y a pas de nouveaux joueurs PSVR. Ça, ah oui, non, ça d'accord, oui. C'est gelé. Ouais. Et quand on voit sur une petite communauté qui est la nôtre, donc tout à l'heure j'ai dit 60% à peu près qui attendent le PS5, 33% qui le prendront malgré ça sur PS4, ce qui reste c'est 6% qui vont le prendre quand il sortira sur PC, et environ 3% ça intéresse pas, le jeu les intéresse pas. Donc si tu rajoutes les 60%, ça fait encore 66% avec les PC et encore les 3%, t'es pratiquement à 70% de personnes qui n'achèteront pas MOS à sa sortie sur PSVR. Donc dans ces conditions, un studio, même un blockbuster comme MOS 2, parce qu'il s'est vendu énorme, il s'est vendu super bien, tu te dis qu'ils partent déjà avec deux boulets à chaque pied, quoi. Donc c'est là où ça reste une exclue temporaire. Ça paraît tellement ça paraît tellement improbable que. Alors oui, alors imagine, c'est un effet d'annonce, voilà, aussi. Il y a ça. Voilà, ils vont le balancer sur PSVR et puis derrière ils vont croiser les doigts pour faire leur pognon sur le Quest. Mais ce serait dingue qu'un jeu comme ça soit pas sur un PSVR 2, quoi. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop de retard et que ce PSVR 2, bah maintenant on va commencer à en entendre parler, parce que là côté PSVR, faut pas se mentir, quoi. Ouais, ça va être compliqué. On verra en tout cas quand ça sortira, ce que ça donnera. Hein. Évidemment, on en parlera au plus vite. J'aimerais aussi qu'on revienne un petit peu sur After the Fall, qu'on avait bien étrié il y a 2 semaines, à raison, avec une sortie catastrophique sur PSVR, mais qui a reçu quand même quelques patchs salvateurs, d'après ce que j'ai compris, que vous avez pu tester, Majo et Elroco, principalement. Ça donne quoi, du coup, ces nouveaux patchs? Ben, si on doit déjà dire une chose, c'est que vu la taille du patch note, ça confirme que il y avait un problème. le jeu était pas fini du tout à sa sortie, quoi. Ouais. Alors je l'ai mis sur notre Twitter et sur la zone communauté de YouTube. Avec le lien vers le patch note, mais enfin c'est juste énorme, quoi, tout ce qui a été corrigé comme bug divers. Ce qu'il faut retenir de ça surtout, c'est qu'en fait, ben, ils ont enfin corrigé les problèmes de mapping des PS Move. Enfin. Et c'est vraiment beaucoup beaucoup plus intuitif et jouable maintenant. Enfin, du coup, il faut refaire une petite adaptation, parce qu'on s'était un peu habitué à l'ancien mode de commande. Mais c'est beaucoup plus naturel et plus ressemblant, en fait, à tout ce qui se fait déjà autour et qui fonctionne très bien. Le déplacement avec les boutons Move, pour attraper, recharger, du coup c'est un bouton pareil sur le Move, c'est le triangle, je crois, de mémoire. Ils ont enlevé ce double grab là, quand tu rechargeais avec tes deux mains, ou automatiquement ta main se s'agrippait à la crosse, ça c'est pareil, ils l'ont fait sauter. Ils ont enfin résolu le problème de choix avec la roue des armes, avec l'IM controller pour les objets. Enfin, voilà, tout ce genre de choses ont été corrigées. Et on a aussi l'impression, mais bon, c'est toujours pareil, il y a cette histoire d'effet placebo quand on te remet quelque chose de nouveau devant les yeux. Mais on a aussi un peu l'impression que le jeu a été légèrement rehaussé, enfin du moins sur PS5, au niveau de la résolution. Voilà. D'accord. C'est un peu plus net que ce que c'était auparavant. On est plusieurs à le dire, du coup, sans être concerté. Ils ont sorti un patch PS4 Pro, tu veux dire ? Bah écoute, il était censé être optimisé Day One, mais bon, bah oui. J'avais un peu du mal à le croire, et là c'est vrai qu'il y a eu une petite réhausse, quoi. Après, ça reste toujours des textures dégueulasses. D'ailleurs, j'avais demandé à Sei de nous faire gentiment une petite capture de la version PC en minimum. Puisque pour rappel, la PS4 Pro, c'est, alors je vous la fais grossièrement, mais c'est l'équivalent d'une 1060 dans le gaming PC, d'une GTX 1060. Et en fait, ben, la configuration recommandée pour After the Fall en minimum, c'est une 1060 avec, je crois que c'est 12 Go de RAM. Là où la PS4 Pro n'en a que 8. Donc pour le coup, je me suis dit que ça semblait être assez cohérent, et il y a quand même un écart assez grand, je trouve, entre encore la version PS4 Pro et la version PC tout en minimum. Voilà. Donc du coup, ouais, je pense qu'ils ont fait un petit effort quand même avec ce patch. Et puis après, bon, bah, y a tout un tas de correctifs. Je vous invite à repartir sur, bah, soit sur, sur Twitter ou sur notre, notre chaîne principale YouTube pour aller voir le lien et puis vous faire une idée exacte de tout ce qu'il y a en détail. Mais voilà, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que vu la taille du patch note, voilà. Ouais, c'était quand même bien nécessaire. Le jeu, voilà, le jeu n'était pas du tout fini. Et je précise aussi que c'est pas que la version PSVR qui a été patchée, c'est toutes les versions. Donc même les autres versions PC et versions Quest autonomes ont été aussi corrigées sur beaucoup de points. Voilà. Il y avait quelques bugs aussi, j'en ai parlé il y a deux semaines sur PC, qui ont été plutôt bien corrigés. Plutôt, j'ai eu encore 2-3 petites surprises. De déplacement notamment pour descendre certains éléments du décor. Il y a encore par contre le problème des crashs parfois qui subsistent. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas autant que sur PSVR, mais par exemple quand on quitte un matchmaking, ça peut arriver que ça freeze le jeu. Ça m'est arrivé deux fois, je crois. Voilà, faut un petit peu emmerder un peu le jeu, on va dire, faire des choses qui sont pas vraiment prévues, mais quoi qu'il en soit, c'est pas souvent dans d'autres jeux que ça arrive. Dans After the Fall, ça m'est arrivé deux fois, donc voilà. Et donc sur PSVR, ouais Majo. Sur PSVR, j'avais oublié d'en parler, c'est je vais pas dire systématique parce que ça serait mentir, mais c'est bien deux fois sur cinq, quoi. Ou en fait, quand tu repars, termines une partie, que tu vas jusqu'au bout, à partir du moment où tu repars au hub, ou même des fois pour relancer une partie derrière, en fait, le jeu crash, se ferme et t'affiche le rapport d'erreur à envoyer en cas de crash, et puis il faut tout relancer, quoi. Et l'autre soir, on a fait une partie ensemble, ça m'est arrivé deux fois. Et la troisième fois, c'était un problème à l'écran de chargement, c'est-à-dire que quand la partie se lance, en fait, la borne d'arcade charge, tout le lobby se vide, et du coup, j'étais bloqué là. Donc du coup, ça m'a saoulé. Ouais, voilà. Rage quit, direct. J'ai rage quit, et puis, et puis voilà, ça fait partie des bugs qui sont encore là, qui sont chiants. Comme, pareil, le fait d'être bloqué dans une borne d'arcade au lancement de la partie, voilà, ça arrive encore aussi. Donc là, t'es obligé d'attendre. Soit t'attends, soit tu te déplaces physiquement dans ta pièce pour essayer d'en sortir, mais des fois ça marche pas. Ouais. Donc voilà, il y a deux trois petits réglages en fait qui restent à régler. Voilà, il y a ça, il y a devoir des fois changer la configuration des contrôles fluides et puis passer en TP pour pouvoir débloquer de certains éléments. Le fait aussi, j'ai remarqué que quand tu es près de certains éléments du décor, tu as un écran noir et tu as beau utiliser sur PC par exemple tes sticks pour déplacer, et ben tu peux pas bouger en fait. Si ton écran est noir, ça annule les déplacements. En fait, c'est pas que tu peux pas bouger, c'est qu'il faut que tu te déplaces dans la même direction que là où t'es venu. C'est-à-dire qu'en général, quand t'as l'écran noir, c'est que t'as un élément du décor qui te bloque. Souvent, c'est des textures qui sont en hauteur. Ouais. Et non, justement, ça marche pas. En tout cas, sur PC, ça ne fonctionne pas. Quand t'as un petit élément du décor qui t'arrive dans la tête, t'as l'écran noir. T'as beau aller dans la direction d'où tu viens avec le stick, non, t'es bloqué. Très bizarre. T'es obligé de te déplacer une ta tête. Alors. Non, t'es vraiment obligé de déplacer ta tête. Ou par exemple, quand t'as un truc qui t'arrive sur le front et que tu dois te baisser, t'as un écran noir, t'auras beau essayer de reculer avec le stick, tu vas pas reculer. Faut que tu te baisses pour que ça fonctionne. C'est super chiant en fait. Je comprends pas pourquoi ils ont laissé ce genre de truc là. Ouais, puis c'est souvent parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est les zones de stalactites qui sont faites pour mettre un peu d'ambiance et de décor dans tout ça. Et c'est souvent ça qui fait chier, quoi. Voilà. Ouais. Et puis les lions dans la map Chinatown sont toujours des crottes de nez sur PSVR, alors que même en lot sur PC, ils sont très beaux. Ça reste des lions, quoi. Il y a encore du boulot sur ce jeu pour qu'il soit vraiment perfect, quoi. Enfin parfait, avec un peu plus de contenu aussi. Il y a encore du boulot. Ça me fait pisser de rire, moi. Bon. C'est le game as service, Laurent. Game as service, ça fonctionne quand le jeu est gratos à la base, quoi. Voilà. Et tu vois, même quand il est gratos, tu vas dire ça à Ubisoft. eFootball 2021, il est très mal reçu. Hein. Pourtant, il est gratos. Mais il n'est pas fini, quoi. Il est dégueulasse. C'est un jeu PS3. Les mecs, ils construisent leur jeu. Et puis surtout, que le problème, c'est qu'on est en fin de PSVR, donc on ne sait même pas s'ils vont continuer leur truc. Là, ils ont fait un patch parce qu'ils se disent bon, bah, on va corriger parce que c'était vraiment grave. Hein. Ils se sont fait insulter de partout sur la toile. Donc là, ils ont amélioré les trucs les plus évidents, donc les contrôleurs. Mais il y a encore des bugs. Derrière, c'est un studio quand même qui a signé un contrat avec Facebook pour faire les 5 prochains jeux sur Quest. Donc est-ce qu'ils vont avoir le temps de revenir sur la version PSVR ? Enfin, il y a beaucoup de questions qui sont encore en suspens. Moi je veux bien, mais là faut pas déconner quoi. Ah bah, vaudrait mieux parce que le jeu il est quand même prévu pour durer. Hein. Bah oui, surtout que c'est un jeu qui pourrait faire un carton sur PSVR2 encore dans quelques temps quand tout sera sorti. Ouais, va falloir qu'ils nous remettent quelques maps quand même parce que tu vois, enfin on l'a fini maintenant. Bon, les maps t'en as vite fait le tour. Les missions sont longues, mais après ça reste des enchaînements de masse de vagues d'ennemis, donc bon. Il faut aussi renouveler un peu ou avec d'autres modes de jeu, un truc du genre quoi. Ouais, ça serait pas mal. D'ailleurs, il y a une question. Il y en a plein, mais. On a une question là sur YouTube, sur la dernière émission. Voilà, de Christophe. Bonjour, j'ai écouté votre analyse d'After the Fall sur PSVR. J'en suis triste car c'est un jeu que j'aurais aimé acheter. Mais depuis que cette vidéo est sortie, y a-t-il eu des patchs qui rendent le jeu intéressant sur PSVR ? Donc là, on vient de répondre. Ou vaut-il mieux l'acheter sur Oculus Quest, mais sans PC ? Merci de votre retour. Laurent, j'ai envie de te poser la question. Ma réponse, ça serait sur PC, ouais. Non, mais justement, sur Quest, sans PC, parce qu'apparemment, il ne doit pas avoir une config. Sur Quest, sans PC. Ben pour un jeu Quest, c'est quand même un jeu qui tape les 8,3 sur 10 de moyenne sur environ une quinzaine de tests dans le monde. Donc, sur Quest, je ne suis pas inquiet. Pour un jeu Quest, c'est un bon jeu. En plus, le Quest, ils ont les sticks analogiques. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que le Quest, c'est un casque qui s'est vendu à 10 millions d'exemplaires. Donc, cette version-là, ils l'ont soignée parce qu'ils savent que c'est là où ils vont faire du fric. Le PSVR, on va dire que c'était de l'alimentaire. Je ne sais même pas si ce n'est pas un studio tiers qui s'en est occupé de la version PSVR. Pour faire un lancement pareil sur PSVR, à mon avis, c'est soit un studio tiers. Soit ils ont dit on va s'occuper du Quest et du PC et puis la version PSVR on s'en branle parce que de toute façon il n'y a plus personne. Encore une fois on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tout coïncide quoi. Soit c'est de la négligence ou pire carrément du sabotage. Le 4, donc on a déjà sorti un short sur After the Fall où on lui a mis un 4 sur 10 qui correspond à la note à sa sortie. Là, alors l'avantage des shorts, c'est justement qu'on peut balancer des notes comme ça à l'avance, mais c'est pas le test. Le test, il va sortir, et si on voit qu'il mérite un 7 sur 10 dans le test, on mettra un 7 sur 10 dans le test, et dans ce cas-là, on se fera sauter le short pour le remplacer par un 7 sur 10. Par contre, ça met bien en évidence qu'il y a un décalage entre cette version de lancement et le test. C'est pour ça aussi que le test, on le laisse traîner, parce qu'on se dit, s'il y a encore des patchs, autant noter la version qui soit la plus aboutie possible. La version finale. Maintenant, à la question... Voilà. Ouais, maintenant, alors, à la question, la vraie question, j'ai un PSVR. La vraie question, c'est la version finale, elle sera là quand ? Quand est-ce qu'on pourra dire ça, que c'est la version finale ? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que sur certains jeux, il y a quelques temps, on était tranquille, on disait, bon, il y a des petits bugs, c'est amélioré, c'est... là, on est vraiment sur... Il y a tout qui met un peu la pression, parce qu'on est vraiment sur une fin d'exploitation du PSVR. Des PSVR, il ne s'en vend plus. Des PS Move, il ne s'en vend plus. Et eux, ils ont autre chose à faire parce qu'ils sont en contrat avec Facebook pour sortir 5 jeux dans les 3-4 années qui arrivent. Donc je pense que les équipes, ils vont pas les mettre sur la version PSVR, ils vont les mettre ailleurs. Et dans le cas où ce soit un studio tiers, est-ce que ce studio tiers, finalement, il avait un tout petit budget, ils lui ont dit « démerde-toi avec cette somme-là, tu nous ponds quelque chose et puis on va dire que c'est Vertigo, et si ça se trouve, c'est même pas Vertigo qui s'est occupé de la version PSVR ». Et si je dis ça, c'est parce que sur Twitter, le jour J, quand After the Fall est sorti, là, ça a commencé à gueuler dans toutes les langues, un peu de partout. Les mecs ont dit, mais il y en avait même qui mettaient After the Fall, ça gueulait de tous les côtés. Ils disaient, mais c'est une honte, votre jeu. Et là, ils avaient répondu, ils avaient dit un truc, nous sommes au courant que le jeu a quelques problèmes, nous allons contacter le développeur. Mais c'est Vertigo Games qui dit ça. Donc, c'est pas Vertigo Games qui l'a développé. Donc. Et puis, ils l'ont effacé, ça. Donc tu te dis, tiens, C'est bizarre. Bizarre. Donc, pour moi, il y a un petit studio tiers entre qui avait peut-être. Alors, c'est peut-être pas qu'ils étaient mauvais, ce studio tiers. Si ça se trouve, ils avaient un budget de merde pour faire ça. Donc maintenant, on est en droit de se poser des questions. Est-ce qu'on a eu notre mapping des contrôleurs et que ça va s'arrêter là? Ou est-ce qu'ils vont continuer à travailler dessus, un petit peu comme Walking Dead, Saints and Sinners, où tu vois qu'ils étaient tout le temps acharnés dessus, ou mieux, récemment, Sin Studio avec Swordsman, où eux, ils n'arrêtent pas, il y a des mises à jour tous les deux mois. Oui, quoi. Même qui a ressorti d'ailleurs encore une... ou pas, et, voilà. Qui a ressorti encore donc, une mise à jour d'ailleurs cette année pour Noël. La question qui dit, est-ce qu'il vaut mieux que je le prenne sur Quest ou sur PSVR, c'est pas évident, parce que la version PSVR, elle est mieux. Entre les deux, je pense que la version entre les deux, c'est celle du Quest, qui est plus aboutie, parce que justement, c'est un casque qui est plus dans le vent, qui a plus de ventes, et qui sera, plus, à mon avis, qui a été plus optimisé et bien plus travaillé, plus même que la version PC, hein, parce que c'est vrai, là pour l'instant, les studios, ils font l'argent sur les jeux Quest, ils font pas sur de l'argent Quest. Sur les jeux PCVR. On a donné un petit peu le ratio de joueurs. On a filé un petit peu le ratio de joueurs il y a deux semaines. Ouais, il y a quand même une grosse diff entre le Quest et la version PC. J'ai pas l'impression que la version PC soit lésée quand même. Ah non, mais en tout cas, comme je disais il y a deux semaines, il y a aucun, PC, aucun défaut sur la version PC. À part les quelques bugs, mais à part ça. Bon, enfin bon. Bah, si vous allez sur VR Game Critique, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a tous les tests mélangés. Et tu peux choisir si tu veux voir une moyenne Quest, une moyenne PC ou une moyenne PSVR. Sur PC et sur Quest, le jeu il tourne à 8,5 sur 10 de moyenne. Donc sur un paquet de tests, hein, parce qu'il y en a un paquet qui ont fait déjà des tests sur PC et Quest. Sur le PSVR, la première note ça a été 5 sur 10. Nous on lui a balancé un 4 sur 10. C'est pour ça aussi qu'on fait des shorts, parce que l'avantage c'est que les shorts, notre note ne rentre pas dans ce genre de bilan. Par contre, quand on va faire le test, notre note, elle y sera dessus. Donc c'est aussi pour ça que les shorts, on a le droit de... Si on a envie de mettre un moins 3 sur 10, on peut. On sent qu'il y a vraiment un décalage entre la version PC Quest et la version PSVR, qui était vraiment inférieure aux deux autres. Oui. Donc, moi, je dirais que vaut mieux le prendre sur Quest. Malgré pour y avoir joué avec certains... Pour y avoir joué avec certains joueurs et possesseurs de Quest en autonome, ils en sont très contents. Bah oui. Bon. Mais il y a aucun. Les deux communautés, il y a personne qui se plaint de ce jeu. En fait, il y a que la communauté PSVR qui s'en plaint. Donc c'est pas. Mais c'est comme pas, disait, comme peux, disait Sey, elle est pas dire, nombreuse. Bon, elle est pas grosse. Voilà, la communauté PSVR maintenant, quand tu vois que 70% des joueurs se foutent de MOS 2 sur PSVR, faut commencer à se poser des questions et se dire bon bah faut oui, Jimmy, il faut passer à autre chose. Faut se grouiller, Jimmy. Faut parler là, parce que on commence à en avoir marre un petit peu. Bon. On a déjà parlé de After the Fall, on en a reparlé un petit peu là pour voir un petit peu l'état des lieux après les patchs. C'est toujours mieux, c'est pas encore parfait, mais voilà, en tout cas c'est en bonne voie. Allez messieurs, si vous voulez bien, on va passer au gros de l'émission, ce que les auditeurs attendent, c'est-à-dire de gagner des jeux. Je suis pas gros. Tels des gros Père Noël. Donc voilà. On va vous faire gagner des jeux parce que ça nous fait plaisir et on tenait à remercier les studios qui nous ont soutenus dans cette démarche, à savoir Inner Space, End Dreams, Psytech Games, Rebellion et Enhance. Donc on remercie vraiment énormément de nous avoir fourni les clés pour pouvoir vous les offrir à l'issue donc de cette émission et aussi à l'issue de la fin du vote qui va se terminer le dernier jour de l'année à 23h. Donc vous pouvez continuer de voter et essayer de gagner. Une heure avant que Jim Ryan prenne la parole sur le PSVR. Voilà, c'est à 23h exactement, il restera une heure à Jim Ryan pour péter le game, hein, tout simplement. Donc, ce sera la conclusion de ces votes, pardon. Voilà, exactement. Alors, pour vous donner une petite idée des jeux qui vont être possibles de gagner ce soir, enfin cette émission, donc il y a Mask Maker, il y a After the Fall, il y a Windlands 2, Final Assault, Down the Rabbit Hole, Creed, Golem, qui est super beau, The Persistence, Racket Fury, Fract, Tetris Effect, Sniper Elite VR. Donc quand même, on se fout pas de votre gueule. Hein. Y a quand même pas beaucoup de daubes là-dedans. Donc en tout cas, on espère que franchement, ça va vous plaire. Et il y en a pas à part le doute d'After the Fall. Il y a aucune daube en fait. Ils ont tous au-dessus de 7 sur 10. Le mec, il déteste le jeu. Tu le détestes ce jeu. En même temps, t'as raison. Ah non, non. Je déteste. T'aimes pas te faire prendre pour un con. C'est pas le jeu, c'est la démarche. Je déteste la méthode qu'il y a eu. Ouais. Voilà. Parce que, comme je vous dis, si on lui met 7 sur 10 dans le test, s'il est bien, bah, il est bien. Parce que Arizona Sunshine, il a démarré, c'était une merde. Hein. Faut pas l'oublier non plus. Et il a vieilli, mais il est pas mal. Bon, enfin, bref. De toute façon, il n'est pas sorti en 2021, voilà. Donc on va pas en parler pendant cette émission. On va prendre un petit peu les jeux, tous les jeux qui sont sortis en 2021. On va remonter la liste et on va voir le choix des joueurs, ce que ça a donné. Alors, on commence. Bon dernier. V-Rock, est-ce que vous avez tâté ce truc-là, V-Rock? Vous savez ce que c'est? Alors lui, il vient juste de sortir, aucune communication, aucun trailer, aucune communication, on ne sait pas grand-chose dessus. Il est sorti cette semaine en même temps que je ne sais plus lequel, qui vient d'arriver aussi, le truc d'avion. Donc, RC Plane, voilà. Ouais, c'est ça, je crois, voilà. Que c'est RC Airplane. Qui ne fait pas partie de cette sélection parce qu'il n'était pas sorti quand on a publié l'article. Non, V-Rock, pour l'instant, on n'y a pas mis la main dessus. Et de toute façon, c'est le style d'expérience où on n'aura pas de code et on ne sera pas du tout contacté pour ce genre de truc. Donc en fait, c'est plutôt, on va dire que c'est un filet de pêche pour choper un filet balancé dans les airs pour choper le pigeon qui passe au passage. En tout cas, ça y ressemble. Mais ça va draguer le fond. Ça va bien draguer le fond. Voilà. Bon, on va passer rapidement sur les premiers jeux. On va surtout s'attarder sur les 10 derniers jeux de la liste. Parce que sinon, on n'a pas fini quand même. Il y a pas mal de choses qui sont sorties en 2021. Ensuite, on a. C'est quoi ce truc? Laid Back Camp Lake Motosu. Ouais. D'accord. Lake Motosu. Ouais, c'est lui aussi. Et puis, il y a l'autre, c'est Fumoto. Donc c'est les deux. Il y en a deux. À mon avis, c'est un truc que c'est tu aimes. C'est on est sur du zéro. C'est un truc avec Spice and Wolf à mon avis. Donc il faut être déjà fan du manga pour partir sur. Et puis ça, bien sûr, c'est le genre de petites expériences. J'ai pas regardé. Je sais pas si Majo peut regarder les tarots, mais à mon avis, ça doit douiller tout de suite. Quand c'est japonais comme ça, manga en général, ça douille. C'est pareil, quoi. C'est vraiment des trucs qui sont prévus pour un public comme Little Witch Academia, hein. C'est très bien quand on est fan du manga de pouvoir aller dans ces univers en VR, mais si on n'est pas fan, c'est pas des trucs qui vont vraiment cartonner, quoi. Non, c'est pas ouf. En général, surtout qu'en général, ça douille. Alors, on va passer rapidement quand même sur les 0%, hein, parce que franchement, je pense qu'il n'y aura pas grand chose à dire dessus. Donc, Little Witch Academia VR, Rhythm and Bullets. Donc le second opus Laid Back Camps Fumoto. Alors c'est 20 euros approximativement l'épisode. L'assassinat. Les 3 minutes. L'assassinat, ok, très bien. Bon bah après il y a un public pour ça. Bon. Pas sur notre communauté manifestement vu qu'il se tape un bon 0% des familles, mais bon voilà, il y en a qui peuvent aimer. Traffic Jams que Steph avait essayé sur Vrac. Voilà. Moi aussi qui est pas mal, mais bon. Voilà. Il mérite pas zéro. Non, il mérite pas beaucoup plus. Enfin, bref, après, c'est le choix des joueurs. Donc, ouais, exactement. Tu pourras le mettre dans ton top. C'est pas le nôtre. Tu pourras le mettre dans ton top 5 si tu veux, Laurent. Non, et puis surtout, non, mais c'est pas ça. Mais surtout, il faut bien relativiser. C'est que les joueurs n'avaient le droit de voter que pour 5 jeux. Oui. Donc bien sûr, les 5 premiers jeux qui te viennent en tête, c'est toujours les mêmes. Et forcément, tu vas. Alors de temps en temps, il y a des joueurs qui vont mettre 4 jeux, et le cinquième, ils vont faire une petite fantaisie, et c'est là qu'on peut faire remonter certains jeux. Mais comme dans tous ces sondages, où soit je disais, vous pouvez voter sur 10 jeux. Et là, on aurait eu une variété beaucoup plus large de... Mais bon, on a limité sur 5 jeux. Du coup, forcément, les 5 jeux, on a vite fait le tour, quoi. Voilà. Bon, y a même du troll, on va le voir, on le sait, ça se voit, mais ça fait partie justement du jeu du vote. Hein. Ensuite, toujours à 0%, on a 23 Seconds to 5, en anglais s'il vous plaît, Neku Hatsume VR, on a Moose Life, on a Probe Game Dev, je ne sais pas pas du tout ce que c'est. On a The Guy VR. Un jeu chelou. On a The Guy VR qui nous a valu, je crois, un avertissement sur YouTube, me semble-t-il. Oui. Voilà. Le trailer n'était pas adapté pour tout le monde. Et en fait, YouTube s'est permis de modifier le trailer du jeu, donc dans nos shorts, et de le passer sur un public de 18 ans. Bien sûr, The Guy VR, c'est un type qui veut se suicider. C'était pas adapté. C'est pas très grave, hein, mais. Pas grave, mais ça fait chier. Allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Enfin, se prendre un avertissement pour une merde pareille, ça fout un peu les boules, quoi. Voilà. Allez voir si vous êtes curieux. On va continuer sur les jeux de bon goût. Hein. Il y a Boulette Roulette qu'on n'a même pas voulu évoquer sur le site parce que c'est pareil, hein, c'est la roulette russe. Donc c'est trop touchy, ça nous intéresse pas surtout. C'est surtout suite à ce jeu-là qu'on s'est fait bloquer notre compte Facebook pour 6 mois. Voilà. On avait fait un article sur... Mauvais souvenir, mauvaise historique avec le jeu. Dans l'article, on parlait de suicide, hein, parce que c'était quand même une roulette russe où c'est qu'on allait se tirer une balle dans la tête. Forcément, ça n'a pas plu à certaines personnes qui ont fait des réclamations sur le principe. Et on a dû se prendre 7 ou 8 réclamations en moins d'une demi-heure, ce qui nous a bloqué carrément notre compte YouTube. Sauf qu'on l'a récupéré que 6 mois plus tard. Et c'était ce jeu-là qui nous l'a... C'est pour ça qu'on a évité trop d'en parler de celui-là. Et c'est pour ça que The Guy VR, c'est pareil, on n'est pas trop chaud, quoi. Et c'est pour ça qu'on va pas plus en parler ce soir, parce que ça nous intéresse pas, tout simplement. Ensuite, on a Windwind, qui est le petit jeu là quand on avait vu la vidéo, ça, le truc qui me rendrait un petit peu fou, je pense, où tu dois pousser des petites bestioles pour qu'elles tombent comme ça un petit peu au hasard. Avec le vent, et c'est un peu le principe de la tartine de confiture, en fait, où en général, quand tu veux quelque chose qui se passe pas, c'est-à-dire que tu veux pas que ça tombe sur la confiture, ça tombe systématiquement sur la confiture. C'est à peu près le même principe pour ce jeu-là. Je ne veux pas y toucher, personnellement. Donc voilà. Maintenant qu'on a passé les 0%, c'est-à-dire vraiment le fond du panier, on va faire le premier tirage au sort, parce qu'on va faire gagner 5 jeux ce soir, 5 vénards, donc... Et on a mis les moyens, si vous pouvez voir, sur... gros matériel. Gros matos. Est-ce qu'on peut dire à l'orchestre de lancer la musique du tirage de sort? Tout à fait, attends. Ah voilà, donc je remercie mes gosses de m'avoir prêté leurs jouets pour pouvoir faire ça. C'est beau. J'étais en train de me demander ce que c'était que ce truc, en fait. Ah ouais, non mais attends, t'inquiète, c'est son et lumière ce soir, hein, on se fout pas de votre gueule. Hein. Donc voilà, c'est artisanal. Une main innocente, comme vous le savez, qui va faire le premier tirage au sort. Attention, complètement impartial. Non, je l'aime pas, lui. C'est un con, lui. Non, on va le garder. Surtout, je le connais pas. Donc, premier vainqueur, donc, c'est Bustafred. Oh, Bustafred. Voilà, et bravo à toi, Bustafred. Et en plus, c'est marqué à l'envers, donc t'es obligé de me croire sur parole. Donc, on t'enverra un mail, on te donnera le choix des jeux que tu pourras gagner, et puis t'auras plus qu'à choisir. T'auras 48 heures, il me semble, pour te décider, pour répondre au mail. Sinon, on passe au suivant, malheureusement... Le jeu est donné au suivant. Ah, voilà, c'est normal. Faut participer pour gagner. Donc, voilà. Donc, félicitations. Félicitations, toi. Alors, quand même, on peut applaudir. Gros applaudissements. Putain, quelle ambiance. Félicitations au vainqueur. Ambiance de fou, hein, c'est bien. Ah mais c'est ambiance Covid. Il faut pas de droit au public. Tu rajoutes une vidéo de standing ovation là à ce moment-là. Ouais, je pense. Ouais, je vais voir ce que je peux trouver. Un truc de stade. Allez, on passe sur ceux qui ont fait 0,34%, donc du gros jeu encore. Avec du troll. Là, il y a du troll. Je pense. Il y en a, ils ont vu ces jeux-là, ils y ont joué, ils se sont dit, putain, mais top 5. Moi, c'est mon top 5, c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est exactement ça qu'il faut se dire. Bon, chacun ses goûts, je veux dire, pourquoi pas. Hein. Bon, il y a Boxed In. Donc, c'est une simulation d'attaque cérébrale, ça, non? Un truc comme ça? Ouais, c'est une espèce d'arcanoïde avec un pistolet. Par contre, Boxing, il est développé pour une seule personne. Donc, un petit peu comme, je me rappelle plus, le jeu d'avion là, qui était fait par une seule personne également. Donc bon, c'est un jeu qui est pas. Ouais, voilà, faut pas être épileptique, ça clignote de partout, en plus avec des couleurs méga saturées de base. T'as un pistolet, tu tires sur des blocs et tu dois casser les trucs, voilà. Mais bon, c'est quand même fait par une seule personne, donc il a quand même une petite du mérite. Allez, on va dire. Voilà, un peu de mérite, ouais. Ensuite, nous avons Neon Hat. Suivi de Tarzan VR. Voilà. Gros jeu. Tarzan, gros développement. Mais c'est pareil, c'est un jeu qui avait été annoncé il y a hyper longtemps. Ça. Je sais même pas s'il était vraiment fini ce jeu en fait. Et qui est sorti dans l'indifférence générale. Bah, disons que Tarzan, c'est pas Marvel hein, au niveau de la licence. Le dernier film, je non, sais pas. Mais bon, quand tu te dis les mecs ils ont teasé il y a 4 ans, bon. Je peux te dire que le jour où ça sort, ils font en parler un peu avant quand même. Ouais, bon, bah, chacun. Ça pas été trop le cas. Ça, chacun, ils sont peut-être aussi doués pour communiquer que nous en même temps, donc de toute façon on ne sait pas. Hein. C'est pas faux. Ensuite, on a Des Magnets, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. On a Space Explorer VR que tu avais adoré, Laurent. Je pense que tu fais encore des cauchemars la nuit sur ce jeu. Non, Space Explorer VR, je pense que... ça, c'est le troll. Hein, je pense qu'on touche le fond sur l'ensemble du catalogue depuis 2016, avec celui-là. Alors, je sais pas, il faudrait qu'un jour, on s'amuse à faire le pire du pire. Il serait dans les 10 du pire du pire. Celui-là, ouais. Bon, bah. Il a tout. Il a tout ce que tu peux imaginer que tu veux. Ça y est dedans. C'est peut-être Pesquet, en fait, qui a voté. C'est moche, c'est doublé avec Google Trad, c'est laid à souhait, c'est mal animé, c'est mal texturé, c'est flou, c'est aliasé, c'est moche, voilà. Alors, sachez que si vous le voulez, il est en promo, il est à moins 85%, voilà. Il est à 1,30€. C'est 1,34€, voilà, précisément. Il y en a quand même qui c'est déjà trop. Franchement, c'est déjà trop. Il y en a quand même qui le mettent dans leur top de l'année 2021. Donc, ouais. Il faut respecter ça. Et se dire que voilà, il en faut pour tous les goûts. Ensuite, on a Brain Beats. Ça a l'air d'être un gros plagiat de Beat Saber et de plein de trucs, en fait, et de jeux de danse. Voilà. Ouais, c'est ça. On a Gadgeteer. T'as un point bleu, tu tapes dans des trucs bleus. Voilà. Un point rouge, tu tapes dans des trucs rouges. Voilà, comme de tous les jeux. Gadgeteer, c'est un bon truc ça. Gadgeteer, voilà. C'est dommage. Pareil, je pense qu'on est un petit peu, il est un petit peu passé sous les radars, peut-être. Faut avoir du temps quand même. Ouais. Ouais, faut aimer le genre. The Knight of Queen. Bah, en même temps, on découvre des choses. Hein. On découvre des choses. On a. Ah ouais, j'avoue. Voilà, on a Trip Fitness. Alors. Tous ces trucs-là, il faut bien préciser qu'il y a deux ou trois types de jeux. Il y a certains jeux, quand ils sortent, ils sont annoncés à l'avance, ils sont teasés, les studios rentrent en contact, pas forcément. Alors, il y a certains studios même qui nous contactent directement, qui contactent d'autres influenceurs, d'autres youtubeurs, d'autres sites internet, parce qu'ils ont un projet marketing de lancer les jeux et tout ça. Et tout ce genre d'expériences comme Space Explorer VR, The Knight of Queen, ou des manettes VR, Tarzan, c'est pas pareil, mais ces petits jeux qui ressemblent à rien, là, on leur court après pour rentrer en contact avec eux. Bien souvent, ils n'ont pas de site internet, on ne sait pas d'où ils sortent, ils n'ont pas d'adresse email, et quand on arrive à les contacter, ils ne donnent pas de code. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien que leur jeu, il va se prendre un 1 sur 10, ou un 0,5 sur 10, voire même une note négative, pourquoi pas. C'est austère. Et que du coup, ils fonctionnent avec une vignette, et comme je disais tout à l'heure, ils fonctionnent, c'est le filet à pigeons. Ils attendent qu'il y ait un type qui passe par là, qui dit « Oh putain, moi je suis fan d'exploration spatiale, je vais me prendre Space Explorer » et plam. T'as toujours un pigeon qui se fait avoir. Et... Le principe de la jaquette des années 80-90, quand t'achetais ton jeu, que tu te fiais la jaquette et que... Voilà, tu arrivais chez toi et t'étais déçu. Encore qui arrive. Et justement, on va au niveau des pigeons dont je fais partie, on va bientôt arriver à un jeu qui me rappelle des souvenirs douloureux. Ensuite, on a Spice and Wolf. Oui. On a Spice and Wolf VR2, c'est une nouvelle, un light novel là, comment ils appellent ça. Enfin, c'est un peu comme Aldeus, quoi. C'est le même délire. Et un peu comme le 1, Spice and Wolf 1, voilà que. Bon. Si les fans kiffent, tant mieux. On a un jeu, pour moi, injustement boudé dans ce vote. C'est 1972 Back to Midway. J'ai cru que t'allais dire Horror Adventure. Pas encore. Voilà, 1976 Back to Midway, qui est un petit shoot 'em up sympa, qui est surtout fait avec beaucoup de nostalgie des développeurs. Un peu moins réussi sur les phases à la première personne, je trouve, mais... Ouais. Surtout quand il est sorti. Hein. Quand il est sorti, oh là, ça piquait. Hein. Il y a vraiment des gros problèmes. Donc voilà, ça c'était pour les 0,34%. Ensuite, on va passer au 0,69%. On dirait que tu parles de yaourt. T'as vu ? Voilà, exactement. 0,69% de qualité. Et non pas de matière grasse, avec Horror Adventure VR. Donc voilà, en termes de pigeonnerie, comme un con, bah, je suis tombé dedans. Une belle perle aussi, lui. Je voulais savoir, j'ai vu, et j'ai réessayé en plus, hein, quand j'ai fait ma vidéo et que le jeu était tellement tout cassé qu'il voulait même pas continuer, même les scripts fonctionnaient plus. J'ai réessayé après, marchait toujours pas. Je pense pas qu'il était patché, donc voilà. Je pense qu'il n'y a pas de suivi, ouais, effectivement. N'y allez pas, c'est une merde. Voilà, on a Solaris que Majo avait testé. Déception. Bah ouais, deuxième jeu de First Contact, les développeurs de Firewall Zero Hour. Pareil, un jeu pas fini. Bon. À sa sortie, qui est sorti tardivement sur PSVR, donc cette année, qui est sorti un an avant, je crois, sur Quest et PC. Mais qui a pas du tout fonctionné. Mince, jeu uniquement multijoueur, donc pas de mode solo, pas de communauté, donc la mort. Le jeu est mort. La mort, voilà. Très bien. Donc ça fait toujours plaisir, ce genre de choses, c'est un peu dommage. C'est dommage parce qu'il était... Est-ce qu'on donne des codes de Solaris? Qu'est-ce que tu viens de dire? Il en faut 4. Il faut minimum 4 codes, voilà, pour que vous puissiez jouer. Il nous faudrait 4 volontaires, s'il vous plaît. C'est dommage, j'avais bien aimé le rythme, j'aimais bien la bande son, mais voilà. Enfin, encore une fois, il y a manque de contenu et puis bon, bah, les joueurs n'ont pas voulu se faire pigeonner. Et puis je crois qu'à la sortie, il était ultra bradé, il était quasiment à 50%, même avant qu'il sorte. Enfin, ça sentait pas très bon. C'était pas le jeu où il y avait une ristourne sur ceux qui étaient abonnés PS Plus. Oui, c'est ça. T'étais obligé d'avoir le PS Plus pour pouvoir l'acheter. Si. T'es obligé d'avoir le PS Plus pour y jouer, mais c'est le même principe pour After the Fall. T'avais un bonus de précommande PS Plus de 10%, mais t'es obligé d'avoir le PS Plus pour pouvoir y jouer, même avec les bots. La logique. Même combat, sauf que bon, là où t'avais que 10% sur After the Fall, t'en avais, ouais, je crois que t'avais 40%. Enfin, le jeu était à 15 balles, quoi, au lieu d'être à 30 euros. Ou 25€, c'est ça, il était à 25€ au départ, je crois qu'il le soldait à 13€. Et enfin, je veux dire, pour un jeu neuf lancement, plus de 50% de remise, ça fait beaucoup, je trouve. D'accord. Bon. Ensuite, on a un jeu normalement qui avait tout pour plaire. Il y avait du Star Wars, il y avait du Flipper. Des balls. Et des balls. Et du Flipper, c'était Star Wars Pinball. Et de la VR. Voilà, Star Wars Pinball. Lui aussi, il a eu un mauvais démarrage. On se rappelait de c'était quoi, c'était Pinball FX au cinéma avec E.T., Les Dents de la Mer, je sais plus ce qu'il y avait aussi. Mais Retour vers le futur aussi, je crois. Il y avait plusieurs films. Et alors, ce qui était épatant avec cette version de Pinball, donc on le rappelle, c'est pour les fans de Flipper, mais pas que, parce que en même temps que tu joues au Flipper, tu as plein de choses qui se passent autour de toi virtuellement, donc c'est assez immersif, c'est assez sympa. Et c'est vrai que la particularité de Pinball FX2, c'était que le jeu était particulièrement joli sur PSVR et notamment sur PS4 Pro. Et quand Star Wars Pinball VR est sorti, ça a gueulé pas mal sur les réseaux parce que justement il était très moche par rapport à son ancienne version. Donc c'est les mêmes développeurs et ils ont fait une version beaucoup plus moche sur Star Wars Pinball VR. Pourquoi ? Je sais pas. Ce qui est drôle, c'est que quelques semaines après, il y a eu un patch qui est venu rectifier le truc justement pour améliorer Star Wars Pinball, qui maintenant est apparemment très bien. Donc après, c'est pareil, c'est un peu des jeux de niche dans de la VR de niche. Dans de la niche. Si t'aimes pas le flipper. Si t'aimes pas Star Wars. Ouais, voilà. Il y en a, hein, il est très qui, ils aiment pas Star Wars. Hein. Mais un jeu 5 sur 10 pour le recours. On commençait à assister sur, aux prémices du même studio qui fait un superbe jeu sur PS4 Pro et on ne sait pas pourquoi qui sort un jeu beaucoup moins beau sur PSVR quelques années plus tard. Voilà. Bizarre, c'est bizarre. Ensuite, nous avons Gravitational. Si vous voulez savoir ce qu'on en pense, eh ben, je pense qu'on en a suffisamment parlé ces dernières émissions. Donc, l'acte manqué, le jeu qui était plein de bonnes attentions, mais qui s'est un petit peu croûté quoi, au niveau du gameplay. Jupiter Grad, Twisted Pack l'update, même c'est Jupiter Grad tout court, qui est sorti, moi j'ai bien kiffé, perso. Donc, voilà. Qui est pas mal. Par contre, je trouvais moi que c'était assez répétitif dans les différents niveaux. T'avais jamais de surprise en fait. Ouais, c'est pas faux, mais c'était le principe un petit peu qui voulait ça. C'est sympa. Ouais, j'aurais bien aimé être surpris par moment et j'ai pas été surpris. Mais c'est pas mal. C'est drôle même par moment. C'est mignon. Un autre jeu qui est mignon, c'est Windlands 2. Il y a un humour russe. Ce qui est marrant, c'est qu'ils soient à côté l'un de l'autre, c'est le même type de jeu. Assez similaire en termes de gameplay. C'est ça. Donc pareil aussi, on en a discuté dernièrement dans les émissions, donc on vous invite à aller écouter ça pour vous faire une idée. C'est sympa à plusieurs, voilà. Tout seul c'est chiant, mais je trouve ça reste sympa à plusieurs. Il y a pas mal de retours, il est assez compliqué quand même, au niveau des boss, t'en chies quand t'es tout seul. Déjà nous à 3 en coop avec El Rocco et Majo, on en a chié pour arriver à avoir une petite araignée, je crois que c'était le deuxième boss. Après c'est un jeu qui vient de sortir, qui à mon avis va se ramasser, alors que le premier Windlands s'était très bien vendu. Donc si on se met à la place du studio, c'est vrai que voilà un parfait exemple d'un jeu qui arrive sur la fin du PSVR et qui va se vautrer sur le PSVR et qui est pourtant déjà sorti depuis longtemps sur PC et sur Quest, il me semble. Je suis pas sûr pour le Quest, si, il me semble que si. Les développeurs ont réagi et clairement ils ont dit que Windlands 2 arrivera sur PSVR 2. Donc voilà, on sait que c'est pas un mauvais jeu, mais il y a des bugs. On a hâte. Il n'y a pas de tracking sur PS5. Par contre, sur PS4 Pro, il y a de gros bugs qui ne sont pas sur PS5. Ah. D'accord. Parce que sur PS, voilà, quand on veut faire les rotations fluides sur PS5, tu peux. Sur PS4 Pro, tu peux pas. Ça te fait 1 degré par 1 degré. Donc tu appuies sur ton bouton et ça fait tic, tic, tic, tic, tic, tic. Et après tu veux retourner, tu fais tic, tic, tic, tic, tic, tic. Oh, c'est vachement bien mimé. T'es bloqué. Rien que pour ça vaut le coup, de regarder la vidéo pendant cette émission. T'es bloqué pendant 20 minutes en fait. Ben, on le voit un petit peu dans la vidéo preview. Le bug. Je l'avais filmé. Bon, allez voir ça. On a aussi Aldeus, Beyond Chronos, que Laurent a testé. Pareil, visual novel. C'est pareil, c'est des trucs pour vraiment, c'est du fan. C'est pour les fans, quoi. Si t'es pas complètement fan de la série ou du machin, et puis ça blablate pendant des heures, il se passe pas grand-chose. Ouais, c'est du manga animé en VR, quoi, grosso modo. T'appuies sur le bouton, tu lis ta phrase, tu rappuies, t'as une autre phrase, merde, le micro. Tu rappuies, t'as une autre phrase, et ça fait que ça. Donc, si t'es pas passionné par le manga à la base et que tu achètes ça, franchement, moi, c'est chiant comme appli. J'ai été gentil sur la note parce que je me suis fait chier, en fait. Mais... Ensuite, on a Winds and Leaves. Ceux qui sont fans. Non. Il y a Winds and Leaves. Est-ce que tu es fan de planter des choux? Alors eux, c'est vachement bien parce que ils sont allés dans le détail jusqu'au bout, parce que quand ils ont publié leur jeu, ils ont envoyé une lettre au studio, pas au studio, aux gens comme nous, quoi, au site internet, aux influenceurs. Et en fait, cette lettre, elle était faite de papier avec plein de petites graines. Donc il fallait que tu sur cette lettre, t'avais bienvenue pour Winds and Leaves, t'avais un gros QR code à scanner avec un téléphone qui envoyait directement sur le store pour récupérer le jeu. Et une fois que t'avais fini, tu mettais le papier en boule, tu faisais un trou dans la terre, tu mets ton papier, tu arroses et normalement t'as un joli arbre qui pousse. Par contre, je sais pas ce que c'est comme arbre, je l'ai pas fait. En fait, c'est dommage. cet aspect écologique, je le ferai peut-être, je le filme. Par contre, faudrait que je le filme en accéléré pour voir. Toi, t'as fait cramer pour bien polluer, c'est ça, non? Ah non, je l'ai fumé. Tu l'as fumé, voilà. Faut pas perdre, faut pas gâcher. Mais ils ont vraiment, ils ont vraiment une approche très écolo sur ce jeu, où c'est vraiment la culture de la terre. C'est un monde qui est devenu un peu triste, il faut remettre des arbres et tout. Alors l'écologie, ça a beau être à la mode, je suis pas certain que ça intéresse tant que ça la communauté de joueurs. D'ailleurs, on se rappelle de ce qu'on avait fait sur les serveurs et les data centers, à quel point ça avait pu intéresser les gens. Donc bon, c'est pas un mauvais jeu, hein, parce qu'il fonctionne bien, il n'y a pas trop de bugs, il est pas moche, il est pas. Après, c'est encore une fois, c'est une niche dans une niche, quoi. C'est un truc qui plaira pas à tout le monde, donc c'est pas voilà. Voilà. Ensuite, nous avons You Are Being Followed. You Are Being Followed. Ah, c'est dommage, il y a Sébastien, il n'est plus là, il nous aurait repris. Qui est une petite expérience gratuite qui dure une vingtaine de minutes. Où on est dans la peau d'une jeune femme très très malvoyante, on peut dire aveugle, qui utilise les sons en fait pour visualiser un petit peu l'univers qui l'entoure. Voilà, je vous le conseille, franchement, c'est pas déplaisant, c'est plutôt sympa. Il n'y avait pas Stifled, je crois qu'il s'appelait. Non, c'est Blind. Il y avait les deux. Et Stifled. Stifled et Blind qui marchaient sur ce principe-là. Qui étaient des bons jeux en plus. Ouais. Ensuite, surtout Blind. Ensuite, on a le mal-aimé, malheureusement, Yuki. Déception. C'est triste qu'il soit là, ouais. C'est vraiment dommage. Donc voilà. Alors, pareil, on a fait des vidéos aussi là-dessus pour vous présenter de Harvard Studio. C'est un shoot'em up. C'est un bon jeu. Enfin, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le principe, c'est de jouer comme si tu jouais avec un véritable jouet que tu faisais voler dans les airs et que tu t'imaginais combattre en fait des petits ennemis. Donc voilà, c'est un peu le sentiment qu'ils ont voulu faire passer. Enfin, moi, je l'ai pris comme ça en tout cas. Et pour avoir lu un peu plus loin la description du jeu, c'est typiquement ce qu'ils ont voulu faire passer comme émotion. Donc pour le coup, pari réussi, mais bon, c'est vrai que ça a pas trouvé son public. Ça a moins plu que ce qu'il y a au-dessus, quoi. Ouais. C'est un peu dommage. Ensuite, je rappelle qu'il peut quand même monter encore parce que ce n'est pas définitif. Pour l'instant, les votes sont toujours en cours. Tout ça, c'est pas définitif. Ensuite, on a Puzzling Place ou Puzzling Places, qui vient juste de sortir et qui a l'air de trouver gentiment son public et c'est plutôt cool. La particularité, c'est qu'ils utilisent la photogrammétrie en fait pour recréer des lieux iconiques du monde. Il y a certains lieux français, je crois qu'il y en a 3 ou 4. Et puis voilà, bon, après c'est un jeu de puzzle, c'est quand même assez long aussi, pareil, il faut être assez patient pour finir une zone, mais c'est pareil, c'est original, ça va être un jeu un peu posé, calme, reposant, donc ça. Et Shue Yoshida a tweeté sur ce jeu qu'il était superbe. Et ben voilà. La semaine dernière. Donc ça donne envie quand même de l'essayer. Donc c'est pas souvent que Shue Yoshida donne son avis sur un jeu VR. Il a jamais rien dit sur tous les autres jeux de l'année. Par contre, il parle sur celui-là. Donc, soit c'est un copain à lui qui a fait le jeu, soit je sais pas. Mais en tout cas, c'est intriguant. Donc on va le tester celui-là. On vous donnera notre avis. Est-ce que tu entends ce son, Laurent? Oh, non. Ne serait-ce pas la cagnotte, l'heure du gagnant. C'est la cagnotte. C'est le son du tirage au sort. C'est le son du Père Noël. Ouais, j'aurais dû mettre des petits gros lots en fait. J'ai pas pensé, tu vois. Ça reste un peu cheap. Pour les enfants passage, ce sera Solaris. Je précise que le prochain gagnant va gagner Space Explorer VR. Voilà. Ou The Knight of Queen. En mode Grinch. Voilà. Donc toujours la main innocente. Hop. Qui ça va être? C'est Sei qui a gagné. Putain, c'est trop bien. Je suis super content en fait. Putain, génial. Oh, franchement, je m'y attendais pas. Je suis complètement ému. Je sais pas quoi. Non, en fait, non. Félicitations. C'est Jean-Seb. Jean-Seb, félicitations. Tu as gagné donc Space Explorer. La con. Voilà. Le pauvre. Alors, il va le croire. On n'est pas des chiens. On lui laisse le choix entre Space Explorer VR, The Knight of Queen. Et aller Horror Adventure VR. Horror Adventure. Voilà, Aurore Adventure. On est pas salaud. C'est quand même une petite perle, Aurore Adventure. Oui, c'est vrai qu'il faut le mettre, celui-là. Voilà. Comme ça, tu pourras passer. Pour moins qu'ils en vendent un, quoi. Tu pourras passer de bonnes fêtes de Noël à nous maudire avec ces super jeux. Donc voilà. On va passer à la suite. On passe la barre des 2% avec Afterlife, Wraith, The Oblivion, Afterlife. Attends, c'est pas comme si je l'avais fini en plus le jeu, je sais même pas dire le titre. Donc, c'est beau. C'est beau. Hein. Il est long ce titre, il est long. À chaque fois que tu dois taper un truc sur ce jeu, tu pètes un câble. Bah, il est un petit peu comme le jeu lui-même. Allez, un peu long, The Oblivion. Bah, le début, si j'ai bien compris. Ouais, surtout. Ouais, il est long à démarrer. Un peu plus sympa, quoi. Là, tu sens quand même que derrière le studio, c'est des bons. Ça, c'est sûr. Parce que ce qu'ils ont voulu faire, ils y sont arrivés à le faire. Même plutôt bien. Par contre, c'est vrai qu'au début. Puis c'est tellement. Alors je sais pas si c'est moi que j'ai tellement trouvé ça austère. C'est vraiment au niveau design du truc, j'ai l'impression d'être dans l'hôtel de Shining. Tu sais, c'est très très froid, très. C'est voulu un petit peu, je pense. C'est voulu, mais je veux dire. Je veux dire, alors je sais pas si c'est tu sais, t'as plusieurs approches de l'horreur. Là, c'est très américain en fait. Et je sais pas, moi, je me serais mieux vu dans un manoir. Peut-être le côté médiéval européen qui ressort. Un peu plus baroque. Que ce truc-là. Alors déjà, j'ai fait des études de design déjà, moi, ce style-là, ça me fait gerber. Donc, il se la pète. Déjà, ça a dû me faire chier. Ça a dû impacter sur le jeu, ça c'est sûr. Mm-hmm. Et après, c'est vrai que la première partie, la première heure et demie, deux heures, tu commences à t'éclater quand tu es dans les jardins. Et c'est vrai qu'au début, tu te fais chier, quoi. Voilà. Bon, on passe rapidement dessus. Mais après, allez voir le test, parce qu'il y a quand même des bonnes choses. Ouais. D'accord, voilà. Bon, pareil, on va aller voir le test. On a déjà bien discuté pendant le podcast. Donc voilà, Afterlife... Qui plaît à certaines personnes et c'est très cool, donc voilà, ça, c'est bien. Ensuite, on a Layers of Fear VR. C'est bien. Layers of Fear VR, qui est dommage. Pour moi, dommage. Enfin, dommage pas qu'il soit arrivé à cette position-là. C'est l'adaptation, encore une fois, qui était voilà. Faite à moitié. Quoi. Dommage. Ce jeu aurait pu être. De jeu pas fini. Ben, mal branlé, dommage. Le jeu aurait pu être vraiment une super belle surprise, un très très beau jeu PSVR, mais il méritait mieux que ça, cette adaptation. Et justement, c'est marrant justement que certains jeux se suivent comme ça sur le classement, parce qu'ils sont quand même finalement assez. Il y a toujours un petit. Ils sont assez similaires. L'univers est similaire. Quoi. L'univers est assez similaire. Là, on a Affected the Manor ensuite. Complète édition qui arrive juste devant. Le mystère. Qui est une expérience courte. Bah, pareil aussi, on en a quand même pas mal déjà parlé. Qui est court, mais qui fait bien ce que Layers of Fear fait mal, en fait. Tout simplement. Donc, franchement, celui-là, c'est quand même un gros mystère, parce qu'on n'a toujours pas compris pourquoi il y avait deux Affected the Manor. La version d'origine et cette version-là qui sont totalement différents en fait, qui n'ont rien à voir. Et tu ne retrouves pas la version d'origine dans Affected the Manor complète édition, alors que vu que c'est une complète édition, tu devrais avoir tout dedans. Donc ça, j'ai pas compris. Et j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Et donc du coup, j'ai gardé moi sur ma console, j'ai gardé les deux versions parce que moi, j'ai une petite préférence pour la première version en fait. D'accord. Bon, bah, en tout cas, voilà, les joueurs ont voté. Ensuite, on a Synth Raiders. Un jeu de danse. Bah, qui est le jeu de référence pour beaucoup, même meilleur que Beat Saber. Ouais, en tout cas sur Steam VR, il récupère une méga super note parce qu'il est sorti avant Beat Saber. Et par contre, plus physique que Beat Saber. Tu sues comme un cochon avec ça. Parce que ça ne se joue pas que dans le poignet à couper, ça se joue vraiment dans le mouvement. Mais par contre, contrairement à Beat Saber, où c'est que tu es quand même toujours à peu près dans le même environnement, devant une grande allée, et les trucs qui t'arrivent sur toi avec un environnement qui ne bouge pas, là, tu as des environnements qui changent. Donc je dirais qu'après, là, tu es plus dans des environnements à la Tetris Effect, où tu vas avoir des trucs balèzes au-dessus de toi, en même temps que tu as des trucs à casser. Mais en tout cas, c'est un gros jeu, c'est dans le style Beat Saber. il talonne Beat Saber, je dirais même qu'il est sorti avant lui et que sur PC en tout cas il a même une meilleure note que Beat Saber. Pour moi c'est pas du tout le même délire. Mais encore une fois, mais bon. Ben, si c'est un truc bleu, tu dois taper dans des trucs bleus, un truc rouge, tu dois taper dans des trucs rouges. Oui, mais non. Et tu dois. Par contre, tu vas faire. C'est un jeu de danse. C'est vraiment ce que j'appelle un jeu de danse, tandis que Beat Saber, c'est un jeu de rythme. Alors, je sais qu'il y a du rythme forcément dans la danse, bien entendu. Oui, mais tu vois, t'as une action de taper des trucs qui est un peu défouloir dans Beat Saber que tu retrouves pas dans Synth Rider. Oui, mais je veux dire, ça reste des trucs de deux couleurs qui te sautent à la figure et tu dois les. Et tu dois les toucher ou les couper ou les c'est dans, ouais, dans le même dans le principe ça se ressemble un peu quand même. Ça reste un jeu de rythme déjà à la base et puis après ça n'a rien à voir. Je suis désolé au niveau de couleur main gauche, couleur main droite, bon, dans voilà. Les grosses lignes c'est similaire, enfin voilà. Il arrive à cette position juste derrière Alvo, jeu multijoueur pas mal attendu aussi par les joueurs, qui sorti quoi aussi un petit peu tôt, peut-être un peu voilà. Léger de mémoire, c'est un tout petit studio, c'est pareil, je crois que les mecs sont 4 mais voilà, enfin sorti trop tôt, buggé, pas beau, pareil avec cette fameuse remise de départ pour un jeu encore une fois où tu as besoin du PS Plus, donc ça on en avait parlé aussi, mais apparemment il s'est lui aussi amélioré avec le temps. J'avoue que j'y ai pas remis les pieds depuis un moment. Peut-être à l'occasion une vidéo vrac pour redécouvrir un peu ce que ça donne, parce qu'il a l'air d'avoir récupéré pas mal de contenu, donc et on espère une communauté aussi, donc voilà. Ouais, la commu, elle était quand même relativement présente, beaucoup plus en tout cas que sur, sur Solaris, mais voilà, à voir. Ok, allez. Le Père Noël. Les 10. Le Père Noël. Justement, on va attaquer le top 10 avant ça. Le troisième. Avant ça, j'ai envie de donner quoi. Donner. En fait, il a mis 15 papiers avec son nom dedans. C'est ça. Oh, c'est Majo. Non, allez, on va arrêter la vanne. Donc là, merci. C'est Fab Anselmo. Oh, c'est ma sœur. Fab Anselmo, hein? Félicitations. Tu as gagné. Bravo. Tu as gagné Synth Rider. Voilà. T'es comme ça. Comme ça, tu pourras perdre du poids. Et puis, ça te fera pas de mal. Enfin, je te connais pas, hein, mais bon, voilà. C'est complètement gratuit. Voilà, donc toujours pareil, hein, tu vas recevoir un mail, 48 heures pour te manifester, et tu pourras gagner le jeu de tes rêves. Et ça, ça fait plaisir. On va donc passer ensuite à la 10e position. Tout. Là, ça y est, on va commencer. Tu peux les noter. De quoi? Ah non, je les note pas. Tu peux les noter, les gagnants. Non, les gagnants, non, je les note pas. Tu remets pas le petit papier à la poubelle? Non, en fait, je les mets dans mon cendrier, comme ça, on s'en fout. Non, c'est juste, en fait, on va rien offrir, mais voilà, faut pas le dire, ça. Non, t'inquiète. C'est pour la com. C'est pour la com, ouais, c'est tout. Les ordures. Allez, top 10, sérieusement, là, on commence à parler de vraiment bons jeux. Ouais, c'est vrai que quand tu regardes le top, c'est pas mal, quand même. Hein. C'est pas mal, et c'est là que tu te rends compte que, ouais. Bah, pour une année un petit peu timide... Et un peu austère, il y a quand même eu des bonnes cartouches hein, qui sont sorties. Donc, 10e, Blair Witch, VR Edition, jeu de Bluebird Team, les mêmes qui ont foiré complètement les Hearts of Fear et qui ont bien mieux réussi quand même Blair Witch. On avait peur quand même. Hein. Bah ouais, on avait peur, mais pas dans le jeu par contre, hein, parce que le jeu fait pas peur du tout. Merci le chien. Merci le chien, c'est vrai qu'on est tellement plus rassuré quand il y a le chien qui est là. Et si t'as des bottes de paille, tu peux être un petit peu impressionné, mais à part ça voilà. Mais ça reste un jeu qui se termine en 5 heures, qui propose pas forcément une grosse rejouabilité, mais qui est sympa à découvrir. Le scénario est un petit peu convenu, un peu décevant selon moi. L'ambiance, même si elle est réussie par certains endroits, reste quand même trop légère pour un Blair Witch. Ils auraient pu vraiment envoyer beaucoup plus dans l'oppression vis-à-vis du joueur. Mais ça reste quand même un bon petit jeu, quoi. En plus, qui avait été plutôt bien accueilli en plat aussi, quand il était sorti. Et voilà, quoi. Donc apparemment, il trouve son public gentiment, et c'est cool, quoi. J'espère que ça va donner envie à Bluebird Team de refaire des jeux parce qu'ils font des très très bons jeux en version VR, et puis d'essayer d'un petit peu moins foirer leur version que pour Layers of Fear, quoi. Un commentaire sur ce jeu, peut-être ? Pas fait. Ok. M'en branle. Non, okay, très bien. Ils ont fait The Medium aussi, Observer. Ouais. Ouais. Donc, Observer, chef-d'œuvre, The Medium, moyen. Ils ont fait des gros trucs, donc c'est dommage, quoi. Voilà. Allez, on va passer. Pas poussé à bout, quoi. Bon, ils sont dans le top 10 quand même, ça va, il y a pire. Ils sont dans le top 10. Hein. Oui, mais c'est le top 10 sur 50. Enfin, même pas sur 40. C'est pas mal déjà, c'est pas mal. C'est déjà bien. C'est pas mal. Oui, ensuite, oui. Ils sont mieux placés que Afterlife et que Layer of Fear, donc. Ou que Yuki. Ou que Yuki. Ouais, ouais. Bon, après, dommage, je pense que c'est plus le style de jeu et la manière dont pareil, il se joue qui a posé problème. Enfin bon. Ensuite, nous avons Arashi, Castle of Sin. Qui Testé par El Roco, qui nous a tous bluffé avec son accent japonais. Donc, gros respect. Et qui aussi a un bon petit succès, mine de rien. C'est plutôt cool, quoi, pour un jeu qui... Qui s'est pris une bonne note. Ouais. Je crois qu'il lui a mis 7 sur 10, il me semble, ou 7,5 même. Je vérifie, mais je crois que c'est ça. Ouais, l'univers est bien, l'idée avec Haru, le chien, pareil, est. Encore un chien. Est plutôt encore bonne. Un chien, et Blair Witch, Arashi, à côté. Enfin, c'est ouf ça. Et il y a un petit côté Sairento, mais en plus soft, on va dire, dans les déplacements et une espèce de bullet time sur certaines phases d'action. Donc graphiquement, c'était un peu léger. En termes physiques, pareil, c'était un peu léger. Il y avait quelques bugs où tu pouvais genre tuer des mecs à travers les murs ou les combats de boss, apparemment, qui n'étaient pas ouais, ouf. Ouais, putain, oui, c'est vrai qu'ils étaient tous ouais, vraisemblablement avec la même technique. À part le dernier. Les buter, sauf le dernier, voilà. Donc, non, bon jeu dans l'ensemble. Je l'avais essayé aussi, j'avais fait le tuto et le premier niveau. C'est plutôt pas mal. Je le trouve pas extraordinaire. Comme je dis, après, moi, j'accorde pas mal d'importance aussi à la physique. Maintenant, plus on avance, plus voilà, sur ce genre de jeu où tu as du contact, c'est vrai que c'est toujours plus sympa. Voilà, quand tu as du démembrement ou ce genre de truc, bon, voilà, il n'y en a pas. Mais l'univers reste quand même très sympa. Les musiques aussi collent bien à l'ambiance. Les environnements respectent bien l'univers, voilà, Japon médiéval. Donc, ça a été. C'est quand même un bon jeu pour le coup pour cette année, quoi. Ok, bon. Moi, c'est un jeu qui me dirait bien de tester, tu vois, sur la PS5, voir s'il y a. Parce que tu t'avais dit qu'il y avait moins d'aliasing, il me semble, sur la PS5 que sur la PS4 Pro. Non, pas du tout. Parfait. Non, c'est pareil. Donc je dis de la merde, ok, c'est très bien. Non, juste le framerate peut-être un peu amélioré encore. Ouais, bon, ça normalement, justement, de, ouais, sur PS4 Pro, c'est de 60 à 61. Ouais, voilà. Super. Ensuite, nous avons I Expect You to Die 2. J'ai pas fait le 1, j'ai pas fait le 2. Moi non plus, ni l'un ni l'autre. I Expect You to Die 1 avait fait clairement un carton. Donc c'était tu incarnes un agent secret. Alors le gros défaut du jeu, c'est qu'il est tout en anglais, et je crois que le 1 aussi, il était peut-être sous-titré français. Si, c'était pareil. Non, c'était pareil. Sous-titré français. Donc par contre, il est complètement barré, ce jeu. Tu vas mourir plein de fois dans ce jeu, en fait. C'est pour ça que le titre, c'est ça. Et du coup, c'était super sympa, le 1. Le 2, je l'ai pas encore fait. Par contre, j'ai vu qu'il était meilleur que le premier. Donc là, c'est pareil, c'est un de ceux que l'on va tester sous peu, parce que c'est quand même un jeu qui a terminé sur le classement PlayStation Blog de cette semaine, quatrième. C'est pas un jeu, c'est clairement un très bon jeu qui a carrément sa place dans le top 10, même dans le top 5, je dirais. On va faire un test complet de ce jeu-là, c'est sûr. Ok, bon bah c'est cool. Ensuite, nous avons à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ème position. Cette merde. Alors, franchement, faut vraiment pas avoir de goût pour aimer ce genre de jeu. Qu'est-ce qu'il fout dans les vidéos ? Oh, je vais y aller. C'est évidemment Song in the Smoke. que chanson dans la fumée. Chanson dans la fumée, voilà, que Majo. C'est moins joli. Ah oui. Vous avez joué à chanson dans la fumée. Bah écoute, je pense que j'en ai parlé suffisamment de fois. Pépite, voilà. Pépite. Mérite-t-il, ça mériterait-il simplement pour toi la première place? Ah oh non, dis-le pas tout de suite, tu le diras plus. Non, tard. Non, bah, non, y a, non, papa, papa. Il y a de la concurrence quand même, hein. faut pas se leurrer, hein, mais bon. Pépite. Voilà. En tout cas, t'as passé un super moment dessus, t'as pris ton pied du début à la fin. Très original, voilà. Un jeu de survie, on en a rarement. Il y avait Solus Project et puis No Man's Sky. Tu vois, j'ai réussi à le caler. dans le même style. Survie au début pour No Man's Sky, mais qui devient beaucoup plus simple après. Enfin, la survie, c'est complètement anecdotique, passer un certain niveau. Mais non, Sanguine de Smoke, voilà, c'est très bon. Aventure qui se suit crescendo. Juste l'histoire. Moi, j'ai un super niveau à No Man's Sky. Donc, après, vous verrez. Quand vous aurez mon niveau, après, vous verrez. C'est plus bagatelle. Facile. Moi, j'arrive à crever quand même à la première nuit dans Song in the Smoke de froid, de faim. Je me fais bouffer les pieds par des rats. Enfin, bref, c'est pas, vraiment pas du tout mon truc de. J'avoue, dans le tuto. Compliqué de mourir quand même, mais bon, visiblement c'est possible. C'est possible, je te confirme. À quel point je suis nul dans ce genre de jeu. Okay. Et ils l'ont repatché récemment, voilà, ils ont, comme tu dis, problème de difficulté, donc ils ont fait un niveau de difficulté en moins, enfin plus simple, pardon, et un niveau plus difficile. Ouais. Moi je l'ai fini au niveau standard, comme le jeu le proposait au départ. Ils ont dû traquer ma partie, je pense. Ils ont dit, oh, putain, c'est pas possible qu'ils crèvent direct, hein, donc. Non, bah après je suis pas mort souvent, franchement. Mais bon, après c'est l'instinct quoi. Quand tu vois un truc, tu cours. Hein. Ah bah moi je l'ai pas. Moi je fais petit. Et voilà. Et tu perds des doigts. Ok. Et ben très bien. Ensuite nous avons Mask Maker de Inner Space. Bon jeu. Je dis pas de bêtises, pépite. Hein. Très bon jeu. Ouais, oui, Inner Space. Inner Space, ouf. Voilà, qu'on avait invité pour leur précédent game. Et qui nous refont encore un jeu bien poliché. Original. Bien poliché. Ouais. Bien raconté. Très propre. Original. Très propre. Voilà, ouais. Mass Maker, jour J, y a pas de bug. Enfin, très peu. Il y a toujours quelques bugs qui ont été corrigés, mais ça existe. Le machin, il est propre, quoi. Dès le début, dès la première minute, quand t'es dans la rue et que tu démarres, tu te dis waouh. C'est pareil, c'est assez simple dans les graphismes, mais c'est suffisamment dépaysant en fait pour pas être gênant. Ouais. Sauf peut-être les parties boisées, les plus boisées, où des fois tu dis ça manque un petit peu, ouais, un couillon de détails. Le marais. L'espèce de marais, ouais. Voilà. Bon, on va pas spoiler non plus, hein, mais en tout cas, voilà, un jeu qui nous a bien. Avec les sauts, tu veux dire ? Quand t'as des sauts à faire descendre ouais, des arbres, là ? Tout à fait, ouais. Putain de merde. Pardon. À tes souhaits. Merci. À tes souhaits. Donc voilà. Non, bon jeu, valeur sûre. Il mérite carrément sa place. Il mérite sa place. Très bon jeu. Ouais, clairement. Donc voilà. Ensuite, nous avons le décrié After the Fall. Qui malgré sa date de sortie quand même assez tardive dans le catalogue PSVR, se tape quand même un bon petit score, quoi. Il est cinquième pour le moment. À noter que les 5 prochains jeux sont des FPS. Hein. Voilà, donc ça en dit long sur le type de jeu qu'aime la commu PSVR. Que les gens kiffent. Voilà. Alors quand on dit FPS, ça veut dire que vraiment on shoot sur des gens. First person shooter, parce que Mask Maker c'est vu à la première personne. Song of the Smoke aussi, Expect You to Die aussi, Arashi aussi, Blair Witch aussi, Alvo aussi, Saints Rider aussi. En fait, il n'y a pas des masses de TPS, quoi. En même temps, il n'y a pas des masses non plus qui sont sorties cette année. Non. Je suis en train de regarder, à part Yuki. Yuki, et putain, en fait, c'est tout. Hein. C'est et tout. Puis c'est tout. C'est tout. Ouais, c'est assez dingue. Hein. Enfin, ouais, c'est assez symptomatique. Il n'y a pas eu de jeu de plateforme. 1976. Ouais, encore que tu incarnes. Il y a une petite partie FPS, mais c'est pas le cœur du jeu. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grosse prise de risque à ce niveau-là cette année, hein. Bizarrement. Et le prochain, ça va être. En même temps, c'est les 5 premiers. Ouais, mais je comprends bien. Pour l'instant. Moss déboule bientôt, là. c'est pour quand moi? C'est en février, je crois. Oui, il me semble, ouais. Printemps, c'est printemps. Au printemps. Printemps 2022. C'est trop long à attendre, sûr. Donc voilà, Astor the Fall, 5e place, on en a déjà pas mal parlé. Donc on va passer au prochain. 4e place, Fract, que tu as testé, Majo. Ouais, bah pareil, très bon jeu de mon point de vue, qui exploite très bien les PS Move et qui arrive à faire de leur faiblesse une force, on va dire. Et ça, c'est assez ouf. Exclusivité PSVR également. Et son plus gros défaut, c'est qu'il est trop court. Je crois que je l'ai fini en 3h ou 2h30. Voilà, après, propre graphiquement, c'est pareil, c'est pas du photoréalisme, c'est du cel-shading, mais voilà, ça a le mérite d'être propre, c'est lisse, ça fonctionne très bien, c'est ultra coloré. Peut-être des environnements un peu vides, on va dire. Il n'y a pas vraiment d'interaction ou de dialogue particulier avec les personnages. Il y a une mise en scène qui est plutôt sympa. Les doublages sont très bons. C'est des doublages en anglais, mais ils sont quand même de qualité. Ouais. Enfin, les acteurs y mettent beaucoup de vie. Donc c'est ça se laisse écouter et vivre assez bien. Et non, vraiment, bon jeu, ouais, mais trop court, voilà. Malheureusement. En tout cas, il a plu, mais ça c'est bien. Il était très loin dans le classement en début de semaine, et il a fait une remontée fulgurante jusqu'à la 4e place. Bon, ça peut encore bouger, comme on a dit, mais c'est marrant parce que il fallait aller le chercher, et il y avait quasiment tous les 10 premiers jeux qui étaient déjà à peu près à plus ou moins à une place où ils étaient déjà placés, et celui-là il est remonté d'un coup, quoi. C'est relou, hein, quand je mets ça pendant que tu parles ou pas? Non, on l'entend. Pourquoi? Pas. Oh merde. Sérieux? Ouais. En même temps, on peut se faire striker, hein, s'il y a un copyright sur ce morceau. Hein. Donc faut faire gaffe, attends, je vais arrêter ce truc. C'est du midi, ça marchera c'est pas. Du midi, c'est bon. Allez, on va arriver au top 3, donc on va faire gagner une nouvelle personne. Mais qui ça va être? Roulement de tambour. Roulement de tambour. Pour le moment, je reconnais pas grand monde, en fait. Ça m'emmerde un peu que les gens qui nous suivent vraiment et qui participent au Discord ne gagnent pas. Je suis un peu... Enfin, bref, je suis content pour ceux qui gagnent, mais... Et bon, c'est un peu dommage. On va faire un truc spécial pour le Discord. Voilà, on va faire un tirage au sort entre nous au Discord. Et là, demain, il y a 50 personnes en plus qui viennent sur le Discord. Et ben, c'est Erjul 6 qui a gagné. Bravo, Erjul 6. Félicitations. Félicitations. Et on n'a pas applaudi les autres, alors on va tous les applaudir maintenant. Le quatrième, physiquement. Bravo. Bravo. Wouh. C'est beau. Donc voilà, mail, 48 heures, tout ça, Père Noël dans la haute, dans la cheminée. Ensuite, donc troisième position pour un troisième opus d'un jeu absolument magnifique. Une réédition. Une nouvelle édition de Doom 3. Alors, est-ce que les vieux jeux, est-ce que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs jeux VR? En tout cas, ça marche bien. Hein. C'est pareil, c'est pas le jeu qui a brillé par ses graphismes. Déjà parce que c'est un jeu qui date de 2006, je crois, si je dis pas de conneries. Oui. L'original, donc ils ont repris le même. Hein. Ils l'ont adapté à la VR, mais c'est vrai que ça se voit par moment. Malgré ça, ça reste quand même cohérent et puis largement potable, surtout avec ce qu'on voit aujourd'hui. Donc non, un vrai jeu. Bonne adaptation, voilà, un jeu complet qui a une longue durée de vie avec un gameplay profond du coup. Enfin, c'est un FPS à l'ancienne, mais qualitatif. Voilà. Avec une ambiance de fou, hein. Ambiance de fou quoi. Je l'ai pas fini, c'est pas mon délire, mais j'avoue que j'y ai pris du plaisir là pour la petite heure que j'avais faite de jeu. Oh, t'as fait qu'une heure, sérieux? T'as fait que l'intro, ouais, en fait. Je l'avais mis sur Vrak et après c'est pas trop. Je te dis, c'est je suis nouveau, moi, c'est dans les trucs qui font peur. En fait, t'as joué jusqu'à ce que les monstres commencent à arriver finalement. Ouais, c'est ça. Juste les dialogues au départ, le scanner. Tu sais. D'accord, très bien. Ok, super. Non, je me suis arrêté dans la zone où tu communiques avec le commandant là, où qui te dit ouais, c'est bien, merci d'être arrivé jusque là. Faut aller au point suivant, continuer d'avancer, tu vois. Et moi, je jouais une heure et demie, deux heures. 2 heures maxi, je pense. D'accord. Ouais, ambiance de fou. Hein. De toute façon, ce jeu, même quand il est sorti, c'était quelque chose. Et puis, un jeu aussi avec une durée de vie quand même assez conséquente. Donc, il date doublages français magistraux. Un truc de 2000, non 2006, disait Majo. 2006 mmh. Moi, je l'aurais dit avant, moi. Je l'aurais dit plus vieux, moi aussi. Il y a pas mal de temps hein, à ça. Bon, on va vérifier, parce que comme ouais. On n'aime pas dire de la merde ici. Non, il me semble que c'est 2006. Ouais, je disais des doublages français d'une qualité 2004. Extraordinaire. 2004. Avec. 2004. Bon, excusez-moi. À deux années près. Faut être précis. Hein. Et. Mince, ouais, avec des trucs, je pense qu'on verrait plus aujourd'hui, mais c'est des doublages avec des accents à couper au couteau ah, oui. En fonction des origines des personnages et tout. Enfin, je veux dire, ça aussi, ça colle une ambiance quand même assez particulière au jeu. Le médecin asiatique au début, par Michel. C'est vrai que. Doublé par Michel Leeb. Ouais, c'est presque ça. Ouais. Franchement, c'est le doubleur de The Rock, en fait, l'acteur américain qui fait l'accent noir. Enfin, je veux dire, y a pas de problème. Ça gêne pas, ça passe. Voilà. Non, c'est bon. C'est plus c'est gros, plus ça passe. Voilà. Voilà. Bah bon, il y a quand même beaucoup de charme, ce jeu. En tout cas, ça prouve qu'avec un vieux jeu donc de 2004, y a moyen de faire quelque chose qui tape fort sur PSVR ou en VR, hein, parce que pas forcément. Donc c'est toujours un regret de voir qu'il n'y a pas plus de vieux jeux qui ne sont pas revenus comme ça. Surtout qu'en plus, au niveau du développement, ça demande moins de boulot que de refondre un jeu à partir d'une feuille blanche. Bah, c'est que de l'adaptation technique, finalement. C'est de l'adaptation, c'est pas tout ce qui est scénario, peut le critiquer. On peut le critiquer graphiquement en disant bon il y a des fois ouais mais bon c'est un jeu qui est pas récent et c'est un jeu qui était pas récent et ça fonctionnait. Faut le prendre tel qu'il est. Mais bon, Skyrim est plus récent que Doom 3 quand même. Oui oui ah, oui carrément. Bah, après il faut le relativiser. Doom 3 quand il est sorti c'était quand même une sacrée pointure. Oui c'était la gifle à l'époque. Quoi. Doom 3 il y a quand même 75% du jeu qui se passe dans le noir aussi hein. Juste éclairé par ta petite lampe torche donc. Franchement, même les carences un petit peu techniques, le manque de détails, on va dire, sur les murs des trucs ou sur les ennemis, bah, finalement, quand t'es dedans, tu passes très très facilement à côté. Hein. Enfin, tu passes. Oui, non, c'est pour ça que je dis que ça c'est franchement, il est dans le feu de l'action. Si tu t'attardes pas sur les détails à coller ta torche à un endroit précis en étant le nez collé dessus, ça fonctionne très bien. Quoi. Allez, on va passer au numéro 2. Jusque-là, je suis pas trop en désaccord avec ce top. C'est Sniper Elite VR. Et après non plus d'ailleurs. Je ne dis rien. Les joueurs ont choisi. Les joueurs ont du goût. Hein, excuse-moi. Donc Sniper Elite VR. Ouais. Il y avait de toute façon, il n'y avait pas No Man's Sky. Il n'y avait pas No Man's Sky. Comment ça? Ce jeu qui a mis 5 ans avant d'être potable. Bref, Sniper Elite VR. Ah, là, ouais, c'est vrai que dans le style de jeu, je démarre et je deviens une petite merveille 5 ans plus tard. Ouais, c'est vrai que No Man's Sky. Mais nous allons parler de Sniper Elite VR qui est sorti, lui, cette année, qui est sorti dans des bonnes conditions, qui est sorti sans trop de bugs. En tout cas, je n'ai pas souvenir d'en avoir eu. Une gêne, si t'avais dit une gêne que le vieux il arrêtait pas de parler et que tu ah mais c'est pas un bug pas malheureusement à entendre ce qu'on te disait ou ouais. Mais ça c'est non pas t'arrivais un bug, pas ça. À entendre les Allemands bouger parce que l'autre il faisait que parler oui c'est ça en fait c'est pendant qu'il parle bah t'arrives pas à être furtif parce qu'il parle trop en fait mais sinon à part ça ça fonctionne plutôt bien. Faut pas lui fermer sa gueule, fait bien envie celui-là aussi hein. Ouais il donne grand envie et surtout à jouer au même contrôleur. Parce qu'il est disponible aussi sur PC, il est disponible sur Quest, il est disponible sur PSVR, et moi je suis... Pour une fois, c'est pas souvent, je suis complètement passé outre la version PC, tout simplement parce que sur PC j'ai pas de M-Controller. Et ce jeu-là est à faire vraiment avec ton gun dans les mains. Et là tu prends vraiment ton pied. Et là, si t'as pas trop de drift justement, ou de problèmes de tracking avec ton M-Controller, et ben c'est là que tu... T'es vraiment dedans, t'es vraiment un sniper. Tu shootes les ennemis, tu retiens ta respiration avant de tirer, tu prends ton pied quand t'arrives à faire des killcams. C'est un jeu qui est pas parfait. J'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus ouvert dès le départ, plutôt que d'attendre la fin du jeu avant de s'ouvrir de plus en plus. Mais non, sacrément bonne surprise que j'ai commencé en faisant un peu mieux faire. Mais en fait, plus t'avances et plus il se bonifie ce jeu-là. C'est vraiment pas déçu. Je l'attendais et j'ai vraiment pas été déçu. Donc je suis content qu'il ait cette position donc de deuxième selon les lecteurs sur l'ensemble des jeux de 2021. C'est vous l'avez pas essayé celui-là ? Non, pas encore. Pas encore, mais ça ne serait tardé. Ouais. Ah mais allez-y, hein, foncez. Foncez et essayez de passer outre la première heure de jeu, on va dire. Il est sur ma liste. Voilà. Ah, il y en a plein à faire. Oh, il y en a un paquet, mine de rien. Ouais, mine de rien, ouais. Allez, on va faire gagner le dernier joueur avant de parler du jeu de l'année, hein, tout simplement. On va pas se le cacher. Ce sera donc Resident Evil 4 VR. Exact. J'ai envie de chialer. Arrête. Alors. Aïe, aïe, aïe. Ah, bah voilà, ça fait plaisir. Tout simplement. Sei, exactement. Alors, le dernier vainqueur, c'est Atalante. Atalante qui est pas mal avec nous sur Discord. Bah oui. Et donc voilà, et ça c'est cool. Et ben félicitations. Félicitations Atalante, et ben ça fait bien plaisir. Tu vas pouvoir gagner du coup. Qu'est-ce qu'on va lui faire gagner ? Le jeu de l'année ou pas ? Attends. Ou pas. Ou pas. On l'a pas, celui-là. On l'a pas, merde. Alors, Yo Interactive, je vous dis pas, parce qu'en coulisses, je vous dis pas la galère que c'est pour nous. Parce qu'on en voit. Moi, ça fait 3-4 semaines que j'essaye. Ça fait 3-4 semaines que j'essaye de contacter certains studios pour avoir un code ou deux à offrir. Et Yo Interactive, qui n'avait distribué aucun code au lancement du jeu, ne répond jamais aux mails. Donc celui-là, Hitman 3, si vous le voulez, il faut l'acheter en gros, parce que même dans un concours, pour l'avoir, c'est la galère, quoi. Attends, mais tu veux dire tu veux dire que le jeu de l'année, c'est Hitman 3 ? Ben ouais. C'est pas possible. Pour l'instant, les votes sont pas finis. Reste 9 jours. Oui, parce qu'il peut baisser, il peut se faire griller par Sniper. Ah, c'est impossible. Ils sont pas loin. Hein. Pas loin en vote. Hein. C'est impossible parce que il est tellement bien ce jeu, il est tellement parfait. C'est tellement le jeu que si tu l'as pas essayé, que t'as un PSVR, c'est que t'as raté ta vie de gamer. Clairement, je dis ça pour vous deux, ouais, tout à fait. Là, vous foutez de ma gueule depuis le début de l'année que j'arrête pas de vous bassiner avec ce jeu. Alors, sache que, voilà. Alors, la Deluxe édition de Hitman 3 est en promo jusqu'au 8 janvier à 35€ au lieu de 90€. Mmh. Donc, j'ai fait l'effort. Oh putain. Je l'ai pris aujourd'hui, figure-toi. Mmh. Et par la magie de la fibre, je l'ai téléchargé très rapidement. Mmh. Donc j'ai pu l'essayer ce soir. Ah. Et je l'ai désinstallé. Et c'est nul à chier. Oh putain. Le mec, on démarre pas par fierté. Non, c'est nul. Non, je déconne. Non, c'est sympa, j'avoue. J'avoue que c'est sympa, un peu déroutant. Je reste sur ce que j'ai dit pour l'histoire de la manette. Mais après, je peux comprendre, il n'y a pas de joystick, donc ça aurait peut-être un peu cassé les pieds. Quoique le rythme du jeu est quand même pas pour l'instant, en tout cas, ultra non plus nerveux, donc je pense qu'on a quand même le temps de réfléchir à ses actions. Réfléchir. Au bout d'un moment, t'as plus à réfléchir, en fait. C'est tellement instinctif, t'as tellement l'habitude d'avoir une mallette dans les mains que tu réfléchis plus, en fait, à tes actions. Franchement, le jeu est beau. On voit le clipping, hein, comme on dit, on voit les fils quand t'as tous les personnages et tout, même sur PS5. Ouais. Quand il y a du monde. Mais après, voilà, c'est vrai que de voir un jeu qui fait l'effort de mettre des textures, de la 3D et pas que de la texture plate posée comme ça, enfin, on a vraiment l'impression, on a quand même beaucoup plus l'impression d'avoir le jeu normal porté en VR que d'avoir une version très light d'un jeu. Et effectivement, grand bravo pour les visages des personnages où tu vois le pigment de la peau quand même, les rides, ce genre de détails, c'est quelque chose de très très rare en VR quand même. Donc, bonne réal pour l'instant, bonne ambiance aussi. Allez, il faut tacler un peu le gameplay quand même, la précision, notamment avec le petit flingue, c'est pas non plus l'idéal à la manette. Ouais. C'est quand même mieux avec le fusil d'assaut parce que tu as la lunette holographique. Mais bon, J'avoue que pour viser au jugé comme ça, c'est quand même pas simple. Ouais. Et puis bon, bah, toujours pareil, les quelques décrochages du tracking. À savoir que le but de Hitman, c'est quand même pas d'arriver sur une map, de prendre le fusil d'assaut et de défourailler dans la foule. C'est vraiment d'être le plus furtif possible et que finalement, sauf en cas de force majeure, tu n'utilises pas souvent les armes à feu hein, dans ce jeu-là. Mmh. Moi, je me suis refait Hitman 1, Hitman 2, enfin Hitman saison 1, saison 2 et saison 3 du coup. Il y a la majorité des missions, j'ai pas touché une arme à feu en fait. Bah après, ils ont quand même aussi mis le pointeur laser là, juste en effleurant R2 que tu peux activer ben, n'importe quand sur n'importe quelle arme, donc ça aide aussi pour la visée au jugé. Mais il y a quand même un petit temps de latence au moment où il apparaît, donc c'est vrai que si t'as des fusillades un peu violentes, je pense que ça va être compliqué. C'est un peu compliqué, non, mais de le gérer. Ce jeu, c'est du dépaysement, c'est un souci du détail dans les décors. C'est de la foule, c'est une impression de vie autour de toi quand t'es en réalité virtuelle au milieu de ces maps, qui est inégalée, que ce soit sur PSVR surtout, et même dans la VR en général, sur PC notamment. Je parle de ce que je connais, hein, en même temps, j'ai pas joué à tout, mais j'ai jamais eu autant cette impression d'immersion, d'être de rentrer vraiment dans le jeu. Et c'est incroyable quoi. Et le fait justement que tu aies du coup le contenu de Hitman 3 et le contenu aussi de Hitman 1 et 2 quand tu les as, après avec des détails, hein, version Game of the Year, version Deluxe, etc. Mais bon, ça je vous laisse voir les détails. C'est un tour de magie qu'ils aient réussi à le faire tourner sur une PS4 fat de cette façon là. En baissant un petit peu les ombres et en augmentant un petit peu le clipping, il est magnifique sur PS4 Pro. Je pense que sur PS5 il est encore mieux, enfin, même pas de beaucoup, je pense. C'est le même. Non, c'est le même. Il y a la distance d'affichage qui est un tout petit peu allongée. Non, parce que tu vois tout à l'heure sur la mission de départ là, quand t'es sur le bateau. Je passais devant le bar en fait et tu as les bouchons alors il y avait que cela du coup, mais tous les bouchons des bouteilles d'eau qui apparaissaient à 2 mètres de moi quoi. Voilà. D'accord. Alors sache que cette mission là c'est la plus pourrie du jeu, hein. C'est le tuto, hein. C'est vraiment celle où il n'y a pas d'ambiance dedans, mais ça te donne déjà parce que c'est juste un décor d'entraînement. Ouais, mais j'avoue que j'ai quand même hâte par curiosité de découvrir les prochains environnements, décors et tout ça. Mais c'est un dépaysement, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Donc OK, il est cher, OK, il a une proposition on va dire tarifaire très très bizarre, particulière. Fonctionne beaucoup sur des DLC, sur des petits trucs à racheter. C'est super foutraque, c'est compliqué. Pas facile à comprendre pour un joueur lambda qui... Ouais, j'avoue. Mais si pas le jeu, mais le... Il y a beaucoup de gens qui se posent encore la question. Comment j'installe le Hitman 1, comment j'installe... Quelle version je dois prendre d'Hitman 2 pour que ça marche dans mon Hitman 3. Des gens qui n'ont pas compris que c'était que Hitman 3, donc le jeu Hitman 3 qui permettait de jouer en VR... Au Hitman 2, enfin, c'est compliqué. Il y a encore plein de monde sur Internet qui pose plein de questions sur. Parce que c'est pas clair, c'est pas net. Je me suis fait peur de sortir un gros pack avec. T'installes un truc et que t'es tout. Ça serait bien plus clair pour tout le monde et au moins t'achètes ton pack et voilà. J'avoue, je me suis fait peur tout à l'heure quand je l'ai acheté. Je le trouvais pas dans ma liste de jeux. Je pensais que c'était classé par ordre alphabétique. Je voyais que Hitman 2. Je dis, mais non, mais j'ai pas fait ça. 35€, Hitman 2, c'est pas possible. C'est ça. Et non, c'est bon. Et puis pas vert, bien sûr. Mais c'est vrai que. Les pipes à VR en plus, exactement. Non, mais enfin, j'ai des souvenirs en fait dans ce jeu-là, et j'y rajoute de temps en temps. J'ai des souvenirs, par exemple, quand tu arrives dans une espèce d'organisation secrète sur une île. Où t'es arrivé à un espèce de cocktail guindé où tout le monde est masqué, mais c'est Wild Shot le truc, tu regardes les gens, tout le monde se regarde de travers, t'as des gardes de partout, t'as des endroits que tu peux pas accéder, t'es tout le temps sur le qui-vive, le décor est magnifique et grandiose autour de toi. Franchement, c'est vraiment, pour moi, c'est mérité le jeu de l'année, et même, même pour moi, quand il va ressortir sur PC. Il y a moyen que je recraque à nouveau et que je fasse vraiment le pigeon à nouveau et que je me le reprenne parce que il mérite. J'avoue que pour être sublimé, si rétrocompatibilité PSVR 2 y a, je pense que celui-là c'est un des rares qui sera encore meilleur sur PSVR 2. Ah oui, c'est clair. Et puis contenu de fou, hein, c'est-à-dire que t'as des heures de jeu. Par contre, alors, contenu de fou, jeu de dingue et beau sur une PS4, ça nous rappelle quand même qu'il y a moyen de faire des trucs propres sur PS4. Donc ça remet en question certains jeux qui sortent en ce moment qui sont un peu bizarres, quoi. Un peu en dessous de ce qu'on attend, quoi. Et aussi un autre truc, mais ça que j'avais déjà dit dans une précédente émission, c'est que Hitman 3 montre la voie de ce que les joueurs veulent, c'est-à-dire des jeux plats, juste adaptés en VR, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de scinder une communauté, ou de juste tu laisses le choix aux joueurs. Je le dis et je le répète, c'est ça que les joueurs veulent, pas forcément avoir des trucs trop axé VR, ou que des adaptations mal foutues d'un jeu plat en VR, mais un truc bien foutu, un truc qui t'immerge dans le jeu, un truc que tu peux découvrir en TPS sur un écran plat, et où tu peux rentrer complètement dans cet univers-là en réalité virtuelle. C'est fait pour ça, la réalité virtuelle. Ça va pas chercher plus loin. Et Hitman 3, pour moi, le fait de façon vraiment brillante, sans être parfait, parce que, je le répète aussi, hein, la visée avec les armes, ça fonctionne pas. La visée avec l'appareil photo ne fonctionne pas. Heureusement, c'est complètement optionnel et t'as pas à l'utiliser. Toute une partie aussi du jeu de tir au sniper, alors que Sniper Elite VR cartonne à ce niveau-là. Hitman 3, c'est de la merde pour ça. Ça ne fonctionne pas du tout. Mais tout le reste, c'est... le jeu est quasiment parfait, mis à part ces quelques détails là de contrôle. Pour le reste, c'est de la magie ce qu'ils ont fait, c'est génial. Donc voilà, et c'est ça qu'on veut, en tout cas moi c'est ça que je veux, et je suis très content qu'il arrive premier du coup dans le enfin justice est faite. C'est mérité, mais c'est pas fini, hein. C'est complètement mérité. Il y aurait eu Resident Evil 4 VR, il serait pas premier, hein. T'as d'autres conneries à sortir là. Là, par contre, je suis pas d'accord. Ah ben. Non, je suis pas d'accord. Au Game Awards, messieurs, excusez-moi. Je pense que la semaine prochaine, Space Explorer pourrait bien finir premier. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Il a ses chances. Ok. Et bah écoutez, on a fait gagner combien de personnes là ? Bah 5, hein. Je pense qu'on a le compte, hein, du coup. Hein. Donc voilà, c'est très très bien. Ah, mais tu les as gardés, les petits papiers ? Attends, je vais les cramer tout de suite, t'inquiète pas. Ensuite, on va passer du coup à nos votes à nous. Est-ce que vous voulez commencer, messieurs, ou est-ce qu'on fait priorité aux absents de l'équipe qui nous ont donné aux absents ? On commence par les absents ? Ok. Bon, du coup, je vais commencer par Steph. On va juste faire le top 5, hein, parce qu'on va pas vous gaver non plus encore des heures sur de toute façon des jeux qu'on connaît tous, quoi. Mais par contre, faut que je fasse l'accent du sud. C'est raciste, ouais. Si je fais l'accent du sud, par contre, non. Écoute, non, ça dépend comment tu le fais. Débrouille-toi. C'est pas. Oh putain. Tink. Alors, allez, faut commencer par Tink. Il faut que je me gratte les bourses aussi, il m'a dit. et je le fais ça, vraiment. Ça je verrai pas, ça. Total immersion, je le fais. Hein. Il faut que tu cales chocolatine dedans. Ah ouais, chocolatine. Il parle un peu comme ça, Steph, en plus. On va commencer par la cinquième position. Commencer par Mask Maker. C'est un beau jeu parce que tu peux pas enlever masque. Franchement, je le fais pas trop mal, non? Ça va. Ouais, ça va. En 4, Expect You to Die 2, qui m'a bien plu parce que c'est un bon jeu d'énigmes. Ensuite, en numéro 3. Il y a Doom VR, mais à Doom VR, il faut faire attention, il faut avoir des couches quand même. Et sinon, tu te chies dessus et franchement, ça ne le fait pas quand tu dois faire des chocolatines. Sniper Elite VR. Sniper Elite VR, c'est bien en fait, à part le vieux qui parle un petit peu trop. Moi, franchement, ça me saoule, quoi. Moi, ça me saoule un petit peu, ces vieux qui parlent trop. Mais bon, voilà, après, on fait avec et suffit de mettre une petite bastos bien placée. Et franchement, ça passe. Enfin, parce que j'ai pas trop compris en fait le classement, j'ai mis No Man's Sky parce que voilà, nous en Suède on a un petit peu un an de retard aussi. Alors voilà, allez. Alors non. Bisous les copains, bisous. Non, parce que No Man's Sky Frontier est sorti en août 2021. Donc c'est un jeu de 2021. Ouais, bah évidemment, si on fait toutes les matchs, à ce compte-là, After the Fall, il sera GOTY 2023 aussi. Hein. Comme ça. Mais bon. Admettons, voilà, c'est son choix. Ensuite on a le top 5 d'El Rocco. Mais lui, il a pas une façon de parler. Faudrait que je fasse l'accent japonais, mais ça, je sais pas le faire. Donc, je vais le faire normal. Numéro 5, Saint Riders. Parce qu'il aime bien bouger son corps huilé. Mmh. Ensuite, on a Arashi, Castle of Sin. Parce qu'il aime bien parler au japonais et se la péter pendant ses tests. Ensuite, on a Song in the Smoke, parce qu'il est vachement influencé par Majo, qui lui raconte de la merde et qui lui mange le cerveau à tout bout de champ. Majo qui a influencé aussi Steph pour caler No Man's Sky en premier. No Man's Sky, exactement. Ce mec-là, en fait, c'est un gourou. Les gens, voilà. Ils l'écoutent, donc, ils le suivent. On dirait pas comme ça, mais en fait, il influence toute l'équipe. C'est ça. Sauf moi. On met. Tu m'auras pas, moi. Ensuite, on a Doom 3 VR, parce que, quand même, c'est un très très bon jeu. Et puis enfin, bien entendu, Hitman 3, parce VR Kanojo. Hitman 3, évidemment, parce que Elroco est un homme de goût, tout simplement, et qu'il sait apprécier les bonnes choses. Moi, je suis pas sûr qu'il a écrit ça en premier, mais bon. Ah, si, si, je te jure, attends. Non, mais je sais, je déconne. Putain, attends, tu mets ma parole en doute, là, moi, j'aime pas bien. Regarde. On va pas voir. Non, mais je te fais confiance. Tu vois le truc flou là. Je vois bien. Bon, voilà. Bon, bah voilà. Bah écoute, maintenant on va passer. Top. Hein. Je dis bon top encore avec que des jeux du top 10. Que des très bons jeux. Synth Rider, pardon, qui n'y est pas. Alors, sachant, c'est vrai que je l'ai pas précisé, que nos tops, c'est les jeux auxquels on a joué en général. Et donc forcément, on n'a qu'une vie, on ne peut pas jouer forcément à tout. Et là, je me retourne sur Laurent, qui va nous donner son top 5. Son top 2, parce qu'il n'a pas le temps de jouer. Ben, disons que ouais, voilà, le souci, c'est que moi, je passe beaucoup de temps à chercher des news et à faire des articles, donc je ne suis pas un gros joueur, en fait. Il passe beaucoup de temps à bosser pendant que nous, on s'amuse, en fait. Donc, parmi les tests que j'ai faits, franchement, tout à l'heure, je parlais d'Aldeus. Non, c'est pas dans mon top 5. C'est vrai que t'as testé du gros, quand même. Rise the Oblivion, Aldeus. Disons que bien souvent, je teste des trucs que personne veut faire. Donc, je me tape toutes les merdes. Ah bah vas-y, justement, ton top 5, il va être épique, hein, je pense. Il y a moyen que... Mais bon... Alors, justement, mon top 5, ce ne sera pas les jeux que j'ai testés parce que ils sont pas bien. Donc, moi, ce que je veux faire, par contre, c'est... Ce sera un top 5 d'intention. I Expect You to Die 2, le 1 qui était exceptionnel, le 2 qui est encore meilleur. Sans l'avoir fait, c'est pour ça que je ne vais pas tarder à proposer un test de ce jeu, parce que je suis convaincu que c'est une tuerie. Ça n'atteindra pas forcément à Hitman 3, mais c'est un super jeu VR actuel. On a eu quoi ? On a eu 40 ou 45 jeux qui sont sortis en 2021. C'est peu, c'est vraiment peu. Il n'y a pas eu beaucoup. Mais malgré ça, on a quand même une dizaine, voire 12, 13 bons jeux sur cette année. Donc malgré qu'il y ait eu très peu de jeux, on a quand même eu des trucs qui valent le détour, qu'il ne faut pas bouder. Et I Expect You to Die, je le mettrai clairement dans le top 5. Cash. Il y a des trucs... Et après Massmaker, je l'ai testé, je l'ai fait. Donc lui, c'est un de ceux que j'ai testé qui serait dedans. Ça, c'est clair. Pas graphiquement, c'est pas une tuerie. Graphiquement, c'est simple, ça fonctionne. Les énigmes sont sympas, ça fonctionne très bien. Après, je vous suis sur Hitman 3. J'ai pas joué à Hitman 3, mais je sais éperdument que Hitman 3, c'est le jeu de l'année, de par tous ceux qui l'ont testé. Parce que chez VR4Player, chacun, quand on reçoit des codes, on n'a pas forcément le temps, parce qu'on a tous un boulot. Donc on dit, le code, c'est toi qui le fais. Donc après, s'il y en a un qui le teste chez nous, les autres ne l'ont pas testé forcément. Donc je fais entièrement confiance à Sei là-dessus. Je fais également entièrement confiance que Hitman 3 a remporté, a tout raflé en fait cette année sur PSVR. Il finit premier dans tous les tests, donc c'est clairement le jeu à avoir. Le truc, c'est que c'est sûr que quand il est sorti, balancer entre 200 ou 250 euros pour avoir les 3 Hitman, c'était une aberration. Je préférais à la limite économiser pour m'acheter une mémoire pour ma PS5 plutôt ça, que c'est de le payer plein un pot. Jeu à 250 balles. C'est le plein pot, Laurent. Je t'ai déjà expliqué. Quand le jeu est sorti, le 1 et le 2 étaient en promo. Si t'es pas trop con, normalement, tu regardes les promos pour des jeux qui sont sortis il y a 4 mais, à 2 mais ans. Mais disons que c'est maintenant où, faut pas se mentir, il y a moins de jeux qui sortent, donc c'est peut-être maintenant où je vais avoir plus de temps et que je vais justement découvrir ces jeux-là. Je suis convaincu que Hitman 3, de toute façon, c'est pareil, il est sur ma liste. Sniper Elite, je l'ai, mais j'ai pas eu le temps de le démarrer. Et j'ai même des jeux qui sont encore sous cellophane. Donc moi, j'en ai aussi. Hein. C'est... Voilà, donc moi j'aurais aussi envie de reparler de jeux qui ont été un peu boudés parce que en fait le classement qu'on a, Hitman 3, Sniper Elite, Doom 3, Fracked, Massmaker, Song in the Smoke, I Expect You to Die ou Arashi, je suis entièrement d'accord avec ce classement là. Petit Yuki, je pense qu'il mériterait d'être plus haut que ça. Windlands 2, ben il y en a qui aiment, il y en a qui détestent, j'ai pas détesté franchement. C'est pas parfait, il y a des petits bugs. Laurent, j'ai bien aimé. Laurent, tu nous fais un top 5 là où tu nous refais la liste, toute la liste des jeux sortis 5. En nous disant ce que t'en penses. T'essaies de nous truander. Top 5, un peu, je te dis Hitman 3. C'est un vote d'intention. C'était escroc. Ouais, je te dis Hitman 3, Sniper Elite, ok pour les deux premiers. Freck, ça me fait chier parce qu'il est pas long. I Expect You to Die, Massmaker, et il m'en faut un cinquième, et ben je te sauverai Yuki. D'accord. Voilà. Il mérite les honneurs, je pense aussi. Ok, Majo, ton top 5 Alors, pour recontextualiser, j'ai fait une quinzaine des jeux qui sont présents dans la liste. Je les ai pas tous finis, mais au moins j'y ai joué. En cinquième, je mettrai Wildlands 2. D'accord. Parce que je trouve qu'il est meilleur que une bonne partie de la liste, et puis ça fait partie des jeux auxquels j'ai joué. Et je me répète, voilà, en solo il est chiant, mais en multi on a quand même bien trippé, et puis l'aspect boss fight qui est quand même complexe finalement, donc ça donne du challenge et j'avoue que j'aime bien ça. Donc je le mettrai en cinquième. En quatrième, je mettrai Yuki parce que j'ai quand même bien aimé, j'aime bien l'univers, le gameplay aussi est sympa, et puis ça fait beaucoup bouger, ça met la pression. Enfin, je l'ai quand même vécu avec passion, ce jeu. Alors je l'ai toujours pas fini, j'ai fait la moitié. Mince, comme je l'ai montré là dans la preview de la version PSVR, donc en tout cas ouais, je l'ai trouvé sympa. En troisième, ça reste compliqué. En troisième, je mettrai Massmaker quand même. D'accord. Parce que j'ai vraiment adoré l'aventure, la narration. Tu parlais des énigmes, mais les énigmes sont pas si compliquées que ça. Non. Mais franchement, ce que j'ai aimé, c'est que c'est des paysans. Et c'est coloré, et puis surtout, c'est bienveillant en fait. Comme truc, c'est un jeu qui a un très très bon univers. Good vibe. Voilà, exactement. Et avec un très bon gameplay, j'ai trouvé la création de masque plutôt originale, même si c'est pareil, ça reste. Quand même relativement simple, mais il y a des petits détails, voilà, comme je dis, le fait d'avoir deux pinceaux, le fait d'avoir la possibilité de mélanger ses couleurs soi-même, tout ça, ça rajoute un peu de naturel, sympa. Et de réel dans cet univers virtuel. Donc j'ai trouvé ça très bien mis en avant. Le deuxième, alors putain, j'avoue que je suis assez emmerdé, je vais pas mettre Hitman. Je vais pas mettre Hitman 3. Je vais pas baisser que... mon froc, hein, je suis pas comme ça. Moi. Mais j'y ai pas suffisamment joué. Alors techniquement, il est très bien, mais bon, voilà, je l'ai pas fini, donc je me vois mal. J'ai plus joué à Wildlands 2 finalement qu'à Hitman 3, si on va par là. Donc je peux pas me permettre de le mettre dans ce top 5, même si il a l'air d'avoir d'énormes qualités. Donc je vais mettre Fract parce que c'est pareil, deuxième. Je l'ai mangé en une fois Et j'avoue que c'est pareil, c'est... alors c'est pas le même délire, mais ça reste un jeu que j'ai... j'ai rushé, disons que j'ai pas, je l'ai pas vu passer, quoi. Voilà, je me suis dit putain, déjà c'est fini, quel dommage. Voilà, c'est peut-être un peu haut. Après, c'est toujours pareil, c'est subjectif. Hein, c'est en fonction de l'émotion qu'on y a ressenti quand on a joué. Mais ouais, je le mets deuxième parce que je l'ai beaucoup aimé. Je le trouve pas très pas excessif dans sa politique tarifaire, malgré le fait qu'il y ait 2 heures de jeu. Enfin, je trouve que voilà, c'est un jeu qui a été bien réalisé. Ça reste une exclue aussi PSVR. Moi, il vole pas sa deuxième place. D'accord. Intéressant. Et puis en premier, ça sera Alvo. Voilà. Non, je déconne. Oh, wow. j'étais choqué là. Ça, c'était la petite blague. Non, bien entendu, ça sera Song in the Smoke. Parce que j'ai adoré ce jeu. Du début jusqu'à la fin, on t'explique rien. Il faut que tu fasses tout toi-même. Et puis, c'est en fait, ça colle tellement bien au jeu, encore une fois, que je peux pas. Je peux pas le mettre ailleurs que dans mon top 1, c'est pour ça que je dis que je veux pas mettre Hitman 3, parce que effectivement je pense que si je vais plus loin, il y a des chances que techniquement et dans la réalisation, voilà, comme je dis, ils finissent premier, mais ça sera un peu mentir et tricher par rapport à ce que j'ai fait, puisque voilà, je me répète, je l'ai pas fait. Donc aujourd'hui, celui qui m'a quand même le plus emballé et dont je parle le plus depuis que j'y joue, bah, c'est Song in the Smoke. Je sais que c'est pas l'avis de tout le monde aussi, puisqu'on en parle sur le Discord et entre nous, il y en a qui ont été déçus. Mais moi, je l'ai adoré du début jusqu'à la fin. Enfin, j'ai toujours eu envie d'y aller, de découvrir les nouveaux environnements, où est-ce que j'allais être amené, quelles allaient être les conditions climatiques du prochain lieu, tout ça. Enfin, c'est année de voyage, quoi. Ouais, franchement, oui, et puis. Il y a quand même une petite part de voilà, comme je dis, de démerde-toi, et je trouve qu'elle est bien amenée et cohérente avec le jeu, là où très souvent on dit putain, il y a pas de tuto, ils font chier, ils expliquent rien, enfin tu vois. Là, il y a un petit tuto au départ et après plus une phase de tuto par niveau, si tu veux, dans le gameplay qui t'explique comment faut tuer les boss. Mais voilà, encore une fois, il remplit très bien son travail. Et puis bon, faut dire que c'est, je crois que c'est leur premier jeu en VR à 17 bits. Ils n'ont rien fait d'autre. Majo, à chaque fois qu'il parle de Song in the Smoke, il nous refait le test systématiquement. Mais toutes les émissions. Mais ça prouve que moi, c'est vraiment ton jeu de cœur, quoi. C'est vraiment parce que j'ai adoré ce jeu. Sérieusement, tu aimes, quoi. Ouais, mais vraiment. Et vous trouvez pas ça bizarre que Majo il parle pas de. Il aime un jeu où on se trimballe à poil. Il a pas mis dans son top 5 Doom, Majo. Non, mais c'est pareil, Doom 3, j'y ai pas suffisamment joué. Comme je t'ai dit, j'ai fait dans la liste de Doom. Il y a une quinzaine de jeux. Ouais, mais alors. Doom. Moi, si vous voulez me faire parler de Doom, c'est Doom Eternal, quoi. Voilà, là effectivement, on peut parler de choses sérieuses. Et je retire ce que j'ai dit d'ailleurs, si vous pouvez le faire en VR, je prends. Finalement, ah bah, tout oui, bien réfléchi. Même si le jeu est ultra nerveux, finalement, je pense que je ferai un effort. Mais non, Song in the Smoke, voilà, top 1 pour moi sans aucun doute. Voilà. Source d'hésitation. Ok, bah au moins ça mérite d'être un top original, contrairement au mien, parce que franchement. Voilà, cinquième, Mask Maker, parce que j'ai bien aimé le voyage, parce que c'est un jeu qui est bien poliché, comme on l'a dit, donc voilà, et que Inner Space, je trouve qu'ils ont vraiment des bonnes idées et qu'ils mettent les moyens, justement, dans leur développement de faire les choses bien, et ça fait plaisir. Ensuite, il y a Yuki, pareil, parce que c'est un jeu auquel je rejoue régulièrement, parce que c'est un jeu où tu te prends des calottes, ou quand t'arrives à dépasser ton record, bah t'es super content, tu débloques des trucs et tu continues, et plus tu joues, plus t'as des bonus, et plus t'avances loin, et plus t'es content, et plus t'y retournes, et plus tu meurs, et voilà, c'est génial. Et j'adore l'ambiance aussi. En numéro 3, Doom 3, parce que Doom 3, quoi, c'est pour moi, c'est un des meilleurs Doom qui est sorti. C'est paradoxalement, peut-être, c'est pas celui auquel j'ai le plus joué, j'ai quand même plus joué à Doom 1 et Doom 2, mais Doom 3, ça a été tellement une telle claque à l'époque de trouille et d'ambiance, et retrouver ça en réalité virtuelle et que ça fonctionne aussi bien, bah pour moi je peux faire abstraction un petit peu des carences graphiques, pour me replonger complètement dedans, parce que le jeu est long, il est beau, il y a une super ambiance et j'adore. Voilà, et pareil, c'est cette philosophie que j'aime bien de prendre un jeu plat et de l'adapter en VR et de bien le faire, quoi, et de redécouvrir les jeux, les expériences que tu as déjà eues en plat et les vivre en VR. Et ça pour moi, ça, j'adore. En numéro 2, Sniper Elite VR, malgré le vieux qui parle, et ben, je me suis vraiment senti impliqué dans le gameplay et j'ai adoré mettre des headshots avec mon aim controller. C'était vraiment génial. Et puis en premier, pas de surprise, Horror VR Adventure, bien entendu. Non, Horror VR Adventure, parce que... Ah, je l'avais spoilé à tout le monde dans la zone communauté. Voilà. parce que, voilà, jeu du siècle, quoi. Un jeu qui a une mauvaise durée de vie, pas fini, qui se termine quand le jeu se plante. Non, évidemment, c'est Hitman 3. Hitman 3, parce que, voilà, pour tout le bien que j'en ai dit. Oh, mais quelle surprise! Je sais, c'est pour ça, et mon top est vraiment pas original du tout. Je ne tolère que l'excellence, hein, donc forcément, Hitman 3, quoi, et... en toute simplicité. Et voilà, et pour moi, Hitman 3, ça a été une baffe. En tant que joueur PC, où j'ai joué à Alix, pour beaucoup, le meilleur jeu VR qui existe au monde. J'ai joué à des très très beaux jeux sur Oculus. J'ai joué à des choses dont le gameplay était vraiment, vraiment poussé à l'extrême. Pour moi, à chaque fois que je rejoue à Hitman 3, même sur PSVR et sur une PS4 Pro, je me reprends une baffe systématiquement quand j'y joue. Et c'est le seul jeu qui me fait ça. C'est le seul jeu vraiment qui... je sors d'Alix, je mets Hitman 3, je me reprends une tarte. Direct. Il faut que j'économise 250€ alors. Putain, mais non, mais il est à 35€, il est là. Non, lui il veut. La Deluxe Edition en 35€. Il veut payer plein pot, lui. Il va sur Uplay acheter des jeux Ubisoft, il les achète plein pot, tu sais, 250€ aussi. J'aimerais vraiment bien un petit package, aller au prix d'un bundle, jeu. Ouais. Un package à 70 balles en boîte où t'as Hitman 3, 2 et 1 VR. Voilà. Ça serait bien. Et tu installes le truc et tu as tout dans le menu, tu as Hitman 1, 2 et 3 et tu as toutes tes missions. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, le 2 était gratuit PS Plus, donc que j'ai pris. Là, le 3 est en promo, je te dis. Alors, que 35. La Deluxe, hein, la standard édition n'est pas en promo, elle est à 70€ plein pot, alors que la Deluxe est à 35. Et il reste que le 1, quoi. Le 1 à trouver quelque part. Qui est régulièrement en promo en version Game of the Year avec tout dedans. Et qui mérite aussi vraiment d'être fait en VR. Et après, t'as une durée de vie infinie, parce que les niveaux, tu peux les refaire dans différentes façons. Et c'est génial, quoi. Donc voilà, j'avais une petite question bonus, messieurs, pour vous. Oui. Pour vous, la pire merde de cette année, c'est quoi? Laurent? Le truc, faut le cramer, quoi. Il n'y a rien à faire. Space Explore VR. D'accord. Donc lui, vraiment, tu l'enterres dans le Nevada, quoi. Ah, mais lui, c'est des stagiaires qui l'ont fait, c'est pas des développeurs. C'est une cata. Dans tout point de vue, c'est une cata. C'est le jeu qui est moche, qui est vide. Tu arrives sur une aire de lancement. Ah oui, c'est ça, c'est magnifique. Tu arrives sur une aire de lancement complètement plate. La texture du sol de pelouse, c'est une texture qui n'a même pas de bord qui se recolle, c'est pas une loupe comme on pourrait avoir sur certaines textures. Tu vois carrément des carrés, parce que tu vois que la texture, elle était carrée avec des bords plus sombres, donc ça te fait des carrés à répétition. Le son, magnifique, ils ont fait une version française avec Google Trad, donc c'est incompréhensible. C'est moche, tu rentres dans le truc, c'est de toute façon, tu peux pas, c'est pas possible. C'est en fait, merde. ça aurait été gratuit. Même mais même pas, gratuit, c'est une merde. Peut-être le résultat est différent. Il faut dire qu'il est quand même vendu 8€ plein pot. Quoi. Non, on te donne 8€ à la nuit, tu vas l'essayer. Mais non, arrête. Gratuit, ça reste quand même un truc à essayer. Enfin, je veux dire, si c'est gratos, mis à ta dispo, bon voilà, tu l'enfiles, tu regardes. Si c'est nul, tu vires. D'ailleurs, tu vireras, je pense. Et puis voilà, mais enfin là, quand même, vendu 8€, il n'y a pas de gameplay, enfin, ça reste quasiment uniquement du contemplatif. Faites-vous Apollo 11, mais surtout pas c'est, ça quoi. C'est quand même, et... c'est quand même du foutage de gueule quoi. Et puis on en revient toujours à que fait PlayStation pour laisser passer des merdes. C'est clair. Justement, c'est des studios qui ont pris le temps. On sait que pour rentrer sur le PlayStation Store, il faut remplir, c'est fastidieux, il faut remplir des dossiers, il faut avoir des validations, il manque tout. Tu sais, c'est un petit peu comme pour avoir une carte grise quand tu fais une demande de carte grise à la préfecture. Il te manque toujours le petit papier à la con c'est des studios qui, malgré ça, ils insistent, et puis ils passent parce que le dossier, il est bon. Alors, quelque part, ça décourage pas mal de studios qui se disent, c'est pas la peine, ça me saoule. Et puis ceux qui veulent y aller, on a la preuve, ils passent, parce que des merdes, il y en a d'autres, hein, on en a déjà vu passer. Donc quelque part, ça fait un effet de tampon, parce que ça permet de limiter, parce que du coup, les gros studios, ou ceux qui font des jeux, où ils travaillent dessus depuis 4-5 ans, ils le veulent, ils veulent le dossier, donc ils vont tout faire pour passer. Par contre, les petits studios, où le type, il est tout seul, il a fait une grosse bouse, et puis il en a rien à foutre, il va peut-être lâcher l'affaire, et ça peut peut-être, c'est peut-être une façon d'éviter d'avoir trop de merde dans le PlayStation Store, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas Sony derrière qui dit « Non, mais ton jeu est trop pourrave, tu passes pas. » Parce que si ça passe, ça veut dire qu'ils ont rempli les dossiers et qu'à un moment, on ne pouvait plus rien leur dire parce que toutes les cases étaient cochées, donc ils sont passés. Mais c'est des grosses merdes. Et puis, ces jeux-là, de toute façon, on les reconnaît facilement. Il n'y a jamais de trailer. Quand il y en a un, tu ne vois pas grand-chose. Tu n'as que des grandes lignes. Prochainement sur PSVR, voilà. Et ils communiquent pas, il n'y a pas de site internet. Le trailer fait via Windows Movie Maker. Il n'y a pas de test de ces jeux parce que personne ne les a eus. Personne ne veut acheter aussi des trucs parce qu'on sent le coup foireux, on sait que ça va être une merde. On dit putain, je vais pas claquer 15 balles dans une merde. Surtout que nous on gagne pas d'argent, donc c'est avec nos propres sous qu'on achète des jeux. Voilà, ils en profitent et puis c'est des filets à pigeons et il y en aura toujours hein, sur toutes les plateformes. Il faut juste arriver à les repérer. Et puis celui-là c'est clairement c'est pigeonnerie, clairement une grosse merde, une pigeonnerie. Bon, et toi Majo? Voilà. Alors, pour rester cohérent, si je dois parler des jeux auxquels j'ai joué, je dirais que le pire, celui qui m'a fait le plus mal, c'est Gravitational. D'accord. C'est encore une fois par sa réelle. Alors, il a été patché aussi, notamment pour les œillères permanentes et je sais plus pourquoi. Enfin, là, il a eu une amélioration quand même. Alors, juste Majo, là, je te demande juste la pire merde. Hein. Oui, pas oui, la déception. Bah, de ce que j'ai joué, il m'a fait mal. Hein. Pas la déception, mal, vraiment, franchement, la pire merde. Franchement, se déplacer avec les œillères, enfin le tracking où tu peux pas te retourner à plus de 45 degrés avec le PSVR, alors que t'es obligé de le faire parce que sinon tu mets 3 plombes pour déplacer un cube. Comme j'ai dit, ça se veut réaliste, mais c'est chiant. Voilà. Donc ce jeu m'a fait mal. Voilà, il faut le dire. Ce jeu m'a fait du mal. Donc pour moi, de ce que j'ai joué, c'est Gravitational, et de ce que je connais et ce que j'ai vu, ça sera Moose Life. Qu'est-ce que c'est que cette merde? D'accord. Alors, excusez-moi, mais alors autant on parle de Space Explorer VR qui est une merde, c'est technique, vrai. On va dire. Mais Moose Life, il y a quand même un gameplay derrière. Mais c'est du pixel art, tu comprends rien. C'est la couleur, c'est trop bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. T'es pas artiste, c'est what pour ça. The fuck. Tu comprends pas l'art. Pourtant des délires qui sortent de la tête des mecs, enfin Song in the Smoke pour moi c'est un délire, Mask Maker c'est un délire et c'est des bons délires. Ouais, c'est vrai. Là Moose Life, ce serait plutôt, je vais faire un jeu de mots, ce serait plutôt Booze Life. Oh, dis donc. Pas mal. Donc pire truc, ouais, pour moi ce sera Moose Life. Okay. Dans les intentions, voilà. Bon, moi pas de surprise, hein, Horror Adventure VR, parce que je comprends pas comment ce genre de jeu peut sortir peut être validé par Sony. Après tu l'as expliqué Laurent, hein, c'est coup de tampon, ils ont insisté, ils en ont voulu, ils l'ont fait, mais le jeu, les scripts se lancent pas, c'est pas texturé, c'est mal fichu, t'as des murs en papier de cigarette. C'est pas polygoné, c'est clair et net que ce sont des assets qui ont été pris à droite à gauche pour être mis ensuite dans une expérience. Ça a été bradé à 80% dès la sortie et je crois que ça l'est encore, je vais même pas vérifier, mais bon, voilà. Le jeu est cassé, le jeu tu passes à travers les murs, le jeu tu, il se passe rien, même les effets de surprise sont, ils fonctionnent pas, le jeu est pété quoi. Pour moi c'est, on est vraiment en droit de se faire rembourser directement quand on achète ce genre de truc là. Donc voilà. Et ben je pense. Pareil, à être gratos. Non, même gratos, le jeu ne fonctionne pas, Il est cassé. Et au bout d'un moment, il arrête de fonctionner. Donc ça, si tu veux, je me souviens, tu nous avais dit que la fin n'était pas faisable, mais encore une fois, enfin, des trucs comme ça, pour moi, c'est des expériences gratos. Ça vaut pas plus, quoi. Bah, sauf que t'as des expériences gratos déjà... qui fonctionnent, quoi. Oui, mais c'est ce que je veux dire, c'est que c'est déjà inadmissible qu'il soit payant, vu l'état du truc, quoi. Donc. Au mieux gratos. Donc voilà. Bon, bah je pense qu'on a bien fait le tour du coup, messieurs. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter pour cette dernière émission de l'année ? Oui, je suis en train de regarder sur VR Game Critique la note de Moose Life. Il y a eu 5 tests PSVR. Il a une moyenne de 7,6 sur 10. Combien ? 7,6 sur 10. Ah ouais, quand même. Il a 8 sur 10 sur PC. Il a 8 sur 10 sur PC et 7,4 sur PSVR. Bon, ben on est des gros cons alors. Bon, non, il y a peut-être un truc en plus ou je sais pas, il y a peut-être, je sais pas, c'est bizarre. Hein. Bah, donc ouais, curieux. Bah, après c'est chacun ses goûts, hein. Je veux dire un test c'est complètement subjectif, ouais. Hein, donc. Ouais, bah là pour le coup on est complètement à contre-courant. T'as des jeux qu'on a trouvé juste moyen, que certaines rédactions ont complètement adoré, oui. Alors ont mis des notes dithyrambiques. C'est vrai. Alors que nous on s'est concerté, on s'est regardé entre nous, on a fait bah on comprend pas là vraiment. Donc bon bah voilà. Ouais c'est vrai. Bon. Moi j'ai une question non, à vous poser. Moose Life, moi je vois le trailer et hors de question que je dépense un centime pour ce genre de jeu quoi. Donc après il faut et malgré tout tu vois Res Infinite c'était pareil, c'est des petits points dans tous les sens et ça fonctionnait quoi. Je sais pas, ouais, en tout cas c'est pas le trailer qui donne envie de l'acheter, ça c'est sûr. Et Majo, tu voulais demander? Ouais, je disais de tous les jeux donc du coup dont on a parlé, ceux que vous n'avez pas fait de 2021 qui vous donnent envie d'être fait l'année prochaine pour le coup. Alors Laurent, bon ben on le sait, tu nous as donné 5 donc toi ça compte pas. Mais Hitman je vais le faire c'est sûr. I Expect You to Die. Le jeu, j'ai dit le celui qui te fait le plus envie. Hitman. Et toi Sei? Je suis en train de regarder. Je pense Fract parce que mine de rien tu m'as donné envie même si l'expérience est courte. Je préfère une expérience courte mais bien foutue plutôt qu'un truc qui se dilue et qui est mal orchestré, mal rythmé. Donc celui-là, je pense que je peux en dire un deuxième ou j'ai pas du tout le droit. Ah, j'ai dit le si celui qui te fait le plus envie de tout ce qui est sorti cette année. Et ben je dirais Fract juste avant Arashi. Voilà, comme ça je donne mes deux, mais je garde quand même, je fais quand même les règles. Voilà. Juste avant Arashi, okay. Fract. Et toi? Je l'ai dit tout à l'heure, ce sera Hitman. La rédemption. Pour le coup, bientôt la rédemption, c'est bien Majo. Pour le coup, maintenant que je l'ai, c'est toi qui, pareil, m'a donné très très envie de. De l'essayer, même malgré tout ce que j'ai pu dire dessus. Après un an de souffrance et de, et de pilonnage en règle et de foutage de gueule. Mais je persiste sur ce que j'ai mais dit. Mais tu fais bien en plus. Le tracking. Et puis on se taquine hein, de toute façon. Donc, exactement. Donc voilà. Ouais, imaginez, vous êtes d'accord tous les deux sur Hitman, ça va être plus être drôle. Oh, on trouvera autre chose. Bon, on en trouvera un autre. Non. Et puis, tu sais, être d'accord entre nous, ce qui est souvent le cas quand même, ça n'empêche pas la mauvaise foi. Hein. Et on peut être d'accord, mais on peut quand même s'envoyer des fions. Hein. Ça, c'est pas un souci. Hein. T'inquiète pas. Exactement. Exactement. Donc voilà. Bon, et bah, je pense que du coup, c'est bon pour cette dernière émission de 2021. Donc voilà, une année finalement qui était, même si elle avait l'air un petit peu morose de prime abord, si on fait le bilan, était plutôt, voilà, il y a quand même des sacrées bonnes cartouches et ça fait plaisir. Il y a une bonne douzaine de bons jeux quand même sur l'année. Hein. Voilà, exactement. On espère en tout cas que 2022 va démarrer aussi sur les chapeaux de roue. On a encore beaucoup d'espoir sur pas mal de jeux qui sont annoncés et qui vont sortir certainement en début d'année. Voilà, on vous en parlera en temps voulu. On vous remercie encore de nous avoir suivis tout au long de l'année. Félicitations encore aux 5 gagnants. J'ai presque envie d'en choisir un dernier, c'est juste comme ça. Juste comme ça, plaisir. Générosité. Petit gagnant supplémentaire. Allez, générosité. Parce que 5, c'est pas un chiffre pair et j'aime pas ça. On va prendre. Allez. Qui ça va être le dernier? El Rocco. Non, c'est Boomzy. Boomzy, félicitations, t'es le dernier gagnant in extremis. Qui est aussi sur le Discord. Et qui est aussi sur le Discord, bah, c'est cool. Et bah, du coup, bah, tu vois, t'es pas venu pour rien au moins. Donc voilà, et puis félicitations aussi gagnants. Merci encore au studio qui nous ont permis de faire ce concours. Pour rappel, donc Inner Space, End Dreams, Psytech Games, Rebellion et Enhance. Qui nous ont refilé les clés, on les remercie et voilà, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur toutes les applis de podcast comme je disais au début d'émission. Si vous voulez nous aider vraiment, si vous aimez vraiment l'émission et si vous avez l'habitude de les suivre depuis maintenant 4 ans, il n'y a pas 36 solutions, faut partager, faut en discuter, faut liker. Faut essayer de faire en sorte que le référencement se passe bien pour le contenu qu'on vous propose. C'est tout ce qui nous fait tenir et c'est ce qui pourrait nous permettre justement de diffuser un peu plus facilement nos conneries. Et je suis sûr que quand même, il y a beaucoup de monde qui ne nous connaissent pas forcément et qui aimerait écouter toutes les choses qu'on pourrait, les infos, les bonnes infos, les tests, nos avis... les retours de communauté, etc. Nos coups de gueule, parce qu'on en passe souvent. Nos coups de gueule, exactement. Même... Parce qu'on est des vieux rageux. Ah ouais, mais c'est ça qu'on aime. Et puis voilà, il y en a qui sont pas forcément d'accord avec nous. Pas de problème, faut venir discuter avec nous de ça sur Discord, ou alors directement sur le site. Même en commentaire. Ou sur Ver4Player, voilà, ou en commentaire. Et puis voilà, on se fera un plaisir de s'engueuler dans la joie et la bonne humeur, et ça va être cool. Et puis voilà, c'est tout. Donc on vous fait des gros bisous, on vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite une bonne année 2022, en tout cas une papière que 2021, ça serait cool. Et Laurent, t'as envie de forcément préciser quelque chose? Oui, c'est pas parce qu'on vient de distribuer 6 codes dans l'émission Autour d'un verre que le concours n'est pas terminé. Ah oui. Donc comme on vous a dit, le concours continue. Donc il va en fait là la fin d'année, ça va être la semaine de cadeaux VR4Player. Donc on va continuer à donner des clés. Donc tous les nouveaux votants qui n'hésitez pas à aller sur le site, vous allez sur le site du concours pour élire vos 5 jeux, les meilleurs jeux de l'année 2021, et il y aura de nouveaux joueurs qui seront de nouveaux participants qui seront tirés au sort dans le courant de la semaine prochaine et début janvier. On va distribuer des jeux. Voilà, donc soyez présents sur le Discord, n'hésitez pas à laisser des commentaires un peu partout, surtout à partager de partout, parce que plus il y aura de votants et plus le classement sera proche de la réalité. Donc voilà, il va encore y avoir des jeux en cadeau durant toute la semaine et également la semaine suivante. Et voilà, c'est Noël jusqu'à la fin de l'année sur VR4Player, donc profitez-en, venez voter, et puis voilà, histoire de montrer que Hitman 3 c'est effectivement le jeu de l'année, et basta, et il n'y a pas de débat là-dessus, et ça me fera plaisir en tout cas. Du coup, à l'année prochaine, bonne année, et puis à bientôt, allez, ciao, bye. Joyeux Noël, bonne fête de fin d'année, ciao. Voir si on a des choses à dire dessus. Ça marche? Bah oui. Allez, c'est parti. Mais pourquoi je suis là? parce que t'as été invité. Qu'est-ce que je te dise. Pourquoi je suis. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre. Mais qui êtes-vous. Mais qui êtes-vous. Bah allez, c'est reparti.